Ce soir, émission spéciale avec Big Flo et Oli. Les gars, comme vous me l'avez demandé, c'est moi qui gère le jingle. Sobriété, efficacité. Efficacité, ok ! Ce soir, samedi. Ce soir, samedi soir avec Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. Oli and the Big Flo. Ce soir, l'émission La Nuit de Rêve. Oh, la nuit, N-U-I-T, rêve, R-E. Rêve, R-A-I. La nuit de rêve avec Big Flo sur Energy. LMG Radio Energy. Hit music only. Ok. Are you ready? Guys, are you ready? Put your hands up. 7000 watts de puissance sonore. 7000 watts de puissance sonore. 12000 watts de puissance lumineuse. Ça sert à rien la radio, mais ça fait bien. Ce soir, le show. Big Flo et Oli sur Energy. Eh mais putain de merde. Ça c'est une intro. S'il vous plaît, faites du bruit pour Koué. S'il vous plaît, faites du bruit pour Koué. Parce que je m'entends pas bien dans mon casque. Tu m'avais fermé le micro, merci Flo. Pas du tout, ça commence déjà par une accusation de l'émission. Il me boycotte en direct. Les amis, bienvenue à tous. Vous êtes dans l'émission La Nuit de Rêve avec Big Flo et Oli. Ouais, je vous explique le concept pour ceux qui viennent d'arriver. Ben en gros, Energy nous ont dit vous avez 3 heures. C'est votre émission, vous faites ce que vous voulez. Voilà. C'est votre émission, vous pouvez parler, dire des conneries, voilà. Donc globalement, si vous aimez pas trop Big Flo et Oli, vous n'allez pas passer une soirée de ouf. Voilà, c'est ça. Vous n'allez pas passer une soirée de fou. Et si vous êtes content de nous retrouver, ça nous fait plaisir, les amis. On va passer 3 heures ensemble, les gars. Vraiment, je suis en train de réaliser un rêve. C'est un truc de fou. Un gros bisou à tous ceux qui écoutent là. En vrai, on en rêve depuis combien de temps de faire ça? Depuis des années. C'est une question inutile, mais on en rêve depuis des années. Non, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on voulait avoir notre propre émission. En fait, on adore la radio. Vraiment, c'est un de nos médias préférés. À chaque fois qu'on fait des promos, c'est là où on kiffe et à chaque fois on se lâche. Peut-être parce qu'on est moche et qu'on ne devait pas faire de la télé. Je vous préviens d'un truc, les amis. On sait pas. Voilà, on sait pas les boutons, on sait pas les trucs. On nous a expliqué des choses, donc il va y avoir des ratés. Là, par exemple, je ne trouve pas le temps qui me reste, le timing qui me reste avant la pub. Il te reste 2 minutes. 2 minutes déjà. 2 minutes. Est-ce qu'on peut présenter peut-être les gens autour de la table? On va présenter après le morceau. Ok. Moi, je vais déjà tester que tout va bien. Oli, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Moi, j'ai envie de dire aussi aux gens qu'on les lit sur le hashtag BigFloOli sur Energy. Donc, balancez les tweets et aussi, on est en live si vous voulez voir nos sales gueules. On est en live sur le Facebook de BigFloOli. Donc je parle vraiment avec un gros ego, je nous cite comme des grandes stars. Les sur amis, notre Facebook, on est déjà 1400 en direct pour ma calvitie en HD. Ça c'est. Les amis, j'ai aussi un panneau avec des sons que je peux envoyer. Fais-moi kiffer. Par exemple, un son de vitre cassée, s'il te plaît, merci. C'est parti. Yes. Oh là là, donne-moi un autre son. Un son de quelqu'un qui rigole, par exemple. Oh, il va très vite. Stop. J'ai un bruit de roue, par exemple. Voilà, ça, c'est pas très utile. J'ai un bruit d'explosion. Merci à tous d'être là, c'est un vrai kiff. Franchement, c'est un truc de ouf. Et il y a des invités, ils peuvent peut-être déjà dire bonjour. Attends, parce qu'on a plus que quelques secondes, Oli. Je suis désolé de te couper. Quelques secondes. On a une minute, les amis. Juste pour vous dire que la playlist, on l'a choisie ensemble, Oli. Ouais, tous les titres que vous allez entendre, c'est des titres qu'on adore et on a pris le temps de choisir pour vous faire kiffer en voiture, les Uber, les chauffeurs de camions, les gens qui rentrent du boulot, tout ça, les kiffeurs. J'ai envie de dire que c'est la soirée du kiff. Je peux me permettre? Est-ce que c'est pas la nuit de rêve aujourd'hui? C'est la nuit de rêve ce soir avec Big Flo et Oli. Je n'ai pas le timing, je ne sais pas combien de temps il me reste avant le son. Mais en gros, je peux le lancer quand je veux, le son, c'est ça? Ah bah quand tu veux, oui. Ah d'accord, Oui, mais on va vous expliquer. Voilà. Vous connaissez Jiminy Cricket dans Pinocchio, ben voilà, il est là avec nous. Il est sur notre épaule, il va nous conseiller. Il s'appelle Michael. Ben voilà, tout Mika, à fait. Ça va bien? Bon, on m'a dit qu'il y avait des gens sympas, donc je suis passé. Ben, ça fait à plaisir. Tout moment, on fait appel à toi, si mais on quand sait tu pas veux. Quoi faire. Hein. Voilà, et t'inquiète pas, je te le dirai aussi. Mais donc tu sais quoi, Michael, je balance. Oli, c'est lui qui avait pas allumé son micro en début d'émission. Ah ok. Voilà, c'était pas moi. Et donc là, voilà, ça part comme ça. Les amis, mettez-vous bien la nuit de rêve. C'est Big Flo, on va vous présenter notre équipe juste après ce son. C'est Juice WRLD avec le son Lucid Dreams. Vous connaissez, vous kiffez, c'est américain. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing. I'll do it over again. I didn't want it to end. I watch it blow in the wind. I should've listened to my friends. Leave this shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break again. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. Ce soir, 21h minuit. La nuit de rêve sur Énergie. L'émission spéciale de Biflo et Oli. Quel kiff d'entendre amis, cette grosse on a voix, la voix là. On a la voix qui nous a tu fait peux, un tu jingle. Peux nous la remettre juste la grosse voix là. C'est vraiment un kiff d'entendre ça. Allez. Ce soir. Oh là là là là. Big Flo et Oli. La nuit de rêve. La nuit de rêve. L'émission spéciale de Big Flo et Oli. Ah, on a percé. Les Merci. Amis, on n'est pas venus tout seuls. Ouais, ce soir on a une belle équipe. On a une équipe avec nous et on va vous les présenter un par un. On va commencer par... Moi, je vais faire dans l'ordre de celui qui est le plus près de moi. Hein. Je, pas je veux que tu fasses un petit 4, hein, un petit texte à chaque fois sur les gens qui sont là. Il est connu sur les réseaux sociaux. Il parle de films. Il parle souvent de films. Il aime la vie avec la vidéo. Il aime les femmes. Et les amis, avant d'être youtubeur, c'est un grand artiste et un futur grand réalisateur, mais surtout un ami. Il s'appelle Sofiane. Faites du bruit pour Sofiane, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Ça va, frérot? Ça va, mec. Tain, le son, c'était incroyable. T'as vu? C'est le petit son zen pour présenter. Ah, c'est magnifique. T'es content d'être là, mon Sofiane? Mec, je suis trop content d'être là. Franchement, c'est le feu. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? Qu'est-ce que t'as mangé à midi là? J'ai rien mangé à midi. Yes, I. Le seul truc que j'ai mangé, c'est un genre de à Mars là. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est horrible, mec. C'est triste. Tu sais que je t'ai toujours dit, frérot, que t'as une voix de radio. C'est un truc de ouf. C'est vrai. C'est pour ça qu'on t'a appelé aujourd'hui. Ah. Parce que t'as une voix apaisante. Dis n'importe quoi, rien. Bonjour et tout. Vous êtes aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est super. On a aussi une personne avec nous. Alors là, c'est une légende. Petite musique. C'est une alors oui. Petite musique. La même, la même, la même. La même, toujours la même. Ah non. T'as vu, je me suis trompé. On a une personne avec nous. Attachante. Attachante qui a vécu beaucoup de choses. Regardez, elle fait des gestes avec ses mains. Elle sait qu'elle est bien ici ce soir. Ah oui. C'est une légende des réseaux sociaux. On l'adore. Faites du bruit, s'il vous plaît. Pour notre ami Daniel, s'il vous plaît. Daniel. Merci. Ça va, ma Daniel? Daniel, comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Alors, il faut lui baisser un peu le micro à tu Daniel. Sais, là. Tu sais que t'as une voix de radio aussi. Et t'es au courant? Oh. T'as une super voix, j'adore quand tu parles. Ah ouais, c'est vrai. Ça Daniel. Va, tout va bien? T'as fait quoi aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, on a été au parc. On est rentré à midi. Et d'accord. C'était bien, t'as kiffé? Ah ouais, c'était trop bien. Bon, ça ah fait ouais, trop ouais. Plaisir de t'avoir autour de la ah table. Ouais. T'interviens quand tu veux, c'est toi la reine ce soir. On te fait toi la reine de la soirée, Daniel. Ah bah merci, c'est gentil. C'est un vrai plaisir. Pour ceux qui connaissent pas Daniel, elle fait des vidéos du coup sur les réseaux. Ouais, et allez tout, voir sur YouTube Studio Daniel, c'est magnifique. Et Arthur aussi qui est dans le studio juste voilà, à côté. C'est des belles vidéos qu'ils font ensemble. Ils vivent des belles choses ensemble. Et voilà, j'ai pas envie de dire le meilleur pour la fin parce que ça serait faux. On a un ami à nous qu'on connaît depuis longtemps, qu'on connaît vraiment depuis très très longtemps, qui est un DJ. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé. On avait besoin d'un spécialiste musique, un spécialiste playlist. Il a aussi une voix de radio, il faut le dire. Il a aussi une voix de radio et un rire de radio surtout. On le kiffe, on l'appelle aussi le grand frère. Mais c'est surtout un des meilleurs DJ en ce moment qui tourne partout en France. J'ai nommé DJ B. Merci. Ça va, frérot? Ça va, écoute, très bien. Avec ces applaudissements, j'ai l'impression qu'on est 200 dans le studio. Faut savoir qu'on est 5, c'est bon. Dis n'importe quoi, dis n'importe Vas-y, quoi. Vas-y, des trucs. Bonjour, bienvenue sur Énergie. Ah oui, c'est bien fait. Faut savoir un truc, c'est que là, t'es à la radio avec nous, mais après, t'es tellement un malade que tu vas mixer où? Oui, 3 heures de route pour aller en Normandie. Voilà. Tu mixes ce soir? Il mixe ce soir, le mec. Je partirai en plein milieu de l'émission sans que personne s'en aperçoive. Ah, mais tu vas mixer chez Daniel, tu mixes où? Tu peux le dire, Daniel? Ah, ben voilà. Je vais à Saint-Lô, exactement. Tu connais Daniel? En Bretagne. Ah mais c'est pas en Normandie. Oh là là là là là. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Big Flo Oli sur Énergie. Saint-Lô, c'est la Bretagne ou c'est en Normandie? Premier. Voilà. Attends. Premier clash Daniel vs DJ Benz. Voilà, c'est Saint-Malo ou Saint-Lô? Non, Saint-Lô. Eh ben Saint-Lô, c'est pas c'est à côté de quoi ça? C'est la Manche. Saint-Lô. Ah, c'est vers Granville. Voilà. Vous nous dites si on vous dérange. Hein. Les amis, on va prendre des gens au téléphone pendant l'émission. On va vous dire de quoi on va parler bientôt. En tout cas, vous pouvez réagir et venir. Il faut que je donne le numéro. Ouais, vas-y, donne-le. Ça se passe au 01 40 71 5000. 01 40 71 5000. Ouais. Et on va parler de plein de choses. On va raconter avec DJ Benz un des plus gros bids qu'on ait eu de notre carrière. Et on va donc, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez aussi des malaises à nous raconter. Il y aura aussi des invités mystères tout au long de la soirée avec des petites surprises. Et aussi, on va appeler le frérot Koé qui nous a fait un jingle de ouf. Je sais pas si tu l'as entendu, Benz. Le jingle était magnifique. Il est incroyable. Alors, tout sobre, tu vois, tout simple. Ça fait plaisir. La sobriété de Koé. On va s'écouter un son. Ensuite, on vous parle un peu ce qu'on va faire vraiment dans l'émission. Restez et on va appeler Koé. Tout de suite, on s'écoute notre propre son. C'est le meilleur son qui est jamais passé sur Énergie. Ça fait de la SACEM, on va pas se mentir. Ça fait de la SACEM, ça fait plaisir à tout le monde. C'est notre son, il s'appelle Allez, mettez-vous demain. Bien, c'est la nuit de rêve, la famille. Tu connais, non? C'est ça! Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais quoi? Pour ton avenir, on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi. Tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez. On dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues. Plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Ça y est. Ça y est. Ça y est. M'a dit, t'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon, je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier, un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'attends un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant, je me remets ce vieux son de Biggie, celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. La nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. C'était le petit Big Flo et Oli. J'adore ces artistes. Je trouve vraiment qu'ils ont un truc en plus. Et vraiment, j'ai aucun intérêt à vous Putain, dire ça. J'ai encore coupé mon mic. Moi, je parle dans le vide depuis tout à l'heure. C'est un Oli, truc de c'est ouf. Incroyable. Je m'y fais Il y a pas. Un bouton rouge. Je suis nul en radio, mais est-ce que c'est pas la sincérité qui prime à chaque fois? Tu as raison. Le temps, en tout cas. On va s'écouter la pub et ensuite on va appeler Koé. On va vous expliquer un peu ce qu'on fait dans l'émission. Et sachez juste une chose, le numéro que j'ai donné tout à l'heure était faux. On envoie la pub. C'est parti. De quoi? La nuit de rêve sur Énergie.

spécial de Big Flo et Oli. 21h minuit sur Énergie. Alors il y a Oli qui me fait des signes, il me rajoute du stress. Je vous dis la vérité, je vous dis tout ce qui se passe dans cette émission. Non mais regarde-moi quoi, le mec il est dans sa bulle, tu sais, on fait l'émission ensemble. Mais c'est un truc de fou de s'engueuler à la radio. On est en direct sur Énergie. J'ai pas besoin de te regarder. Vous allez vraiment vous engueuler devant des milliers de personnes là ? Ben oui. Je te coupe le micro, Benz. Les amis, ça va. J'ai donné un faux numéro. Non, j'ai donné un numéro qui marche, mais celui que je vais vous donner est gratuit. C'est Oli qui va vous le donner. C'est quoi ? C'est même Benz qui va le donner, comme ça on est sûr de pas se tromper. 0800 70 42 48. Je répète, 0800 70 42 48. Vous pouvez nous appeler pour parler, nous poser des questions et. Et réagir. Et c'est gratuit. De toute ma vie, écoutez-moi bien, je n'ai jamais vu un numéro de radio aussi long et compliqué. C'est incroyable, il est impossible à retenir. 0800. Je redonne une dernière fois. 0800 ouais. 70 42 48. Et c'est gratuit, la famille, hein. Vous inquiétez pas, paniquez pas pour les forfaits, pour les parents, tout ça, hein. C'est cool. Les amis, vous voyez qu'on galère. D'accord ? Vous voyez qu'on est un peu en galère, on est en panique. Donc, on va appeler un patron. Daniel, c'est qui le patron de la radio ? Ici. Pour toi, l'animateur le plus connu. Coué. On va l'appeler. Coué, on va l'avoir au téléphone. Il va nous donner des petits conseils. Est-ce qu'on peut me le mettre là? Est-ce qu'on peut me mettre en contact direct avec... Allô Coco, t'es là ou pas? T'es au bout du fil? Les gars, je suis disponible à tout moment. Vous m'entendez? Ça fait du bien d'entendre un pro là. Écoute. Ça va et toi? Je suis en panier, regarde, je suis devant un panneau. Je peux envoyer des bruits d'euros. Je peux envoyer des bruits d'explosion. Je sais pas. On en a marre, ouais, quoi, il devient fou. Les gars, si vous cherchez bien, il y a une page complète sur l'écran d'ordinateur remplie de 27 P différents. Il y a une banque spéciale P. Tu te souviens le numéro ou pas du tout? Alors, il faut qu'il vous les montre, mais je crois que vous tapez P, vous allez en avoir 23 qui vont sortir. C'est pour ça qu'on t'appelle, c'est pour vraiment des tips comme ça, vraiment de qualité. Merci Koé d'être là. Koé, t'es où toi là? Là je suis à... Tu vois, là, il a trouvé. Ouais, je voilà. Suis... C'est la banque numéro combien? Stop les P là, s'il te plaît. Il y en a un qui est merveilleux, il y en a un qui fait tu, qui est tout étouffé. Celui-là, si vous le trouvez, c'est le plus beau. Mais c'est le magique. Excusez-moi monsieur, vous êtes le spécialiste P de France? Non monsieur, mais vous savez, depuis le temps, j'ai le plus beau bruitage de tous les animaux, de tous les héros existants. Voilà, je les ai compilés depuis quelques années de métier. Déjà, t'es un spectacle là, frérot, c'est ça? Je suis à Rouen, je suis sur scène dans 20 minutes. Le mec a pas de pression, il est cool. Je voulais te remercier pour le jingle que tu nous as fait. Je sais pas si on peut le remettre encore énorme, un coup. Énorme. Il est incroyable, il est d'une longueur en plus. Salut, c'est Koé. Ce soir, émission spéciale avec Big Flo et Oli. Là, c'est les propre. Gars, comme vous me l'avez demandé, c'est moi qui gère le jingle. C'est n'importe quoi. Sobriété, efficacité. Et là, ça part en couille. Efficacité, ok. Ce soir, samedi soir avec Big Flo. Big Flo et Oli. Voilà, merci. T'aurais pu faire un truc un peu plus punchy. Je trouve que ça manque un petit peu de punch. Ouais, j'aurais pu le faire aussi. Je sais ce que vous allez me dire, j'aurais pu le faire un peu plus long. J'ai une question à te poser. Ah, vas-y. Ouais, sérieusement, pas de vanne et tout. Si t'as un conseil à nous donner, on débute dans la radio, un truc vraiment sérieux pour nous initier à cet univers. Ah, quand t'as pas de vanne, tu demandes aux gens ce qu'ils font ce soir et ils vont t'appeler et tu vas rentrer dans leur univers à eux. Les vannes, elles tombent. Magnifique, c'est beau ce que tu dis. Il faut faire confiance au public, c'est ça que tu nous dis. Mais il faut guider, hein, faut les guider. Hein. Qu'est-ce que vous faites ce soir, tu vois, sinon ça va être un peu tout et n'importe quoi. Mais après, tu vas avoir plein de gens bien qui vont vous appeler. Vous kiffez? Est-ce que vous avez eu... Vous avez eu des boissons chaudes, vous avez eu des boissons fraîches. Ouais, on a tout ce qu'il faut, la vérité, j'ai des petites pizzas là devant moi, j'ai un petit coca. Et combien t'as fait d'émissions dans ta vie, Koé? Je vais vous dire un truc, les gars. Oui. C'est bien parce que c'est la première fois que vous venez, parce que la deuxième, il n'y aura plus de pizza, il n'y aura plus de coca. C'est la crise, hein, frérot. On aura comme toi deux cacahuètes et un peu d'eau. Koé, t'as fait combien d'émissions dans ta vie? Oh, mais je sais pas, on avait calculé, il me semble, vite fait ensemble la dernière fois et ça m'avait semblé peu. Tu rigoles, on avait fait genre en termes d'heures d'émission, ça faisait des milliers d'heures, un truc comme ça, c'était une folie. Ouais, ça faisait 6000, mais je trouvais ça petit, je trouvais ça pas beaucoup. Ouais, 6000 émissions. 100 ans, ça va. Moi je veux qu'on fasse du bruit pour Koué parce que c'est la légende quand même, yes, s'il vous plaît. En tout cas, si notre équipe veut poser des questions à Koué, c'est le moment, on a encore un peu de temps avec lui avant la pub, je crois. Vous savez ce qu'on fera tout à l'heure? Je veux absolument. Je finis le spectacle vers 23h15. Ah, on sera encore là. 23h30, vous m'appelez et vous me faites le débrief, hein, surtout. Ok, non, ce qui s'est passé, ce que alors, j'ai raté. Je le note, 23h30. Ouais, on se note, on est un peu pro, on se prend des notes pendant l'émission. Ouais, mettez ça, les gars, vous mettez ça dans le conducteur, d'accord? Ok. Vous mettez 23h30. Merci pour ton aide, on te rappelle à 23h30, ok, pour faire un débrief. Je vous fais des bisous, déchirez tout. Et t'as un bisou de Daniel particulier qui t'adore. Ah oui, je vous adore. Adore. De là où je suis, j'ai peur, mais je vous adore aussi. Merci beaucoup. Hein. Bisous. Allez, je vous adore. Bon après, bonne allez, soirée. Bisous, quoi. Bisous la famille. Les amis, on va s'écouter un son. Et juste après le son, on va vous raconter un truc qui nous est arrivé avec DJ Benz. Il nous est arrivé une galère, les amis. Un truc de toute ma carrière. C'est un bide, on appelle ça un bide. On appelle ça un gros bide. Voilà, vous savez ces moments où les moments de solitude horribles. D'ailleurs, ça va être un des sujets de l'émission. Si vous avez ressenti à un moment donné un malaise, comme disent les jeunes, malaise TV, ou un moment dans votre vie où vous avez senti vraiment une gêne de fou, vous nous appelez au 0870 42 48. Je sens que Sofiane, il en a eu plein des bides. Non, moi ? Je le sens. Jamais. Jamais ? Si, une fois. On va voir. En tout cas, en attendant, on va se mettre un petit son. Ça te dit un petit soprano ? De toute façon, c'est programmé, je vais pas te dire l'inverse. Voilà, vas-y. De toute façon, si tu me dis non, il y a pas le choix. Soprano, Daniel, t'aimes bien ? Tu vois qui c'est, Soprano ? Ah, j'adore Soprano, moi. Il chante quoi, Soprano, par exemple, Daniel ? Bah, tu sais, je contiens pas beaucoup de choses, moi. Ah. Bah, non. Pas un seul titre ? Est-ce que tu connais le dernier qui fait zoom, zoom, zoom ? Nani, nani, nani. À toi ? Zoom, zoom, zoom. Ouais, c'est ça, Daniel. Ah, c'est ça. Exactement, ouais, ça. Voilà. Ça cartonne Soprano en club, Benston. C'est un carton, mais c'est un carton depuis des années. Ah, Soprano, bien sûr. Soprano, c'est la famille, on lui fait un gros bisou. On écoute tout de suite. Ah, ouais. Zoom, zoom. Mettez-vous bien, la famille, c'est la nuit de rêve. Big Flo, en direct sur NRJ. Bisous à tous les Uber de France. Je suis toujours resté le même. Ah ouais. Je suis toujours resté fin, oui, comme ma première sacelle. Vingt ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser, mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombaient les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Comme Marseille ou Chicago, platin ou plomo. Tous les jours je vais péter le magot. J'ai toujours un flingue dans la wagon. Bye bye, bye. Chiant, Vita, Flexo, Prato, t'es dans l'ombre. La cité, la cité. Chiant, Carly, Fico, Pat, on a dit mon nom. La cité, la cité. Toto, Lina, c'est pequeño. Au Brasil. Fodes, Carré, Ombre, Chico. Cocaïna. Ah, ah, ah. Jamais on trahira la Honda. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais. Viens rentrer dans la leyenda. Jamais on trahira la Honda. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais. Jamais on comme ça va Stano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Hijo. 21h minuit. Nuit de rêve. Passez votre samedi soir avec Big Flo et Oli sur Énergie. C'était Soprano le frérot qu'on kiffe vraiment du fond du cœur. Tu disais un truc, Daniel, tu disais un truc sur Soprano. Qu'est-ce que tu disais sur Soprano? Eh ben, c'est un très bon chanteur, j'adore moi. Qu'est-ce que t'aimes en particulier chez Soprano? Eh ben, il est très beau. Oh, ah ouais, sérieux? Il est pas mal. Il est pas trop jeune pour toi un peu? Ah oui, quand même. Hein. On s'en fout de la différence d'âge, Daniel, ou? Ça dépend. Ah non, moi je pourrais pas, moi. T'as jamais aucune aventure avec un garçon plus vieux? Plus vieux? Oui, c'est une fois. Plus vieux aussi. Ah non, ça fait 30 ans que je suis toute seule, moi. Ah d'accord. Bon, mais on est très bien comme ça. T'as raison. Non, je suis très heureuse comme ça. Si t'es contente comme ça. Ah ouais, je suis très bien. Toi, Sofiane, niveau cœur, on en est où? Le mec, il affiche tout le monde en direct sur Énergie. Moi, tout se passe bien. Je suis très content. Hein. Et les gars, j'ai pas oublié. On devait raconter l'histoire du beat. Oui. Ah oui. L'histoire légendaire. J'ai raconté ça depuis tout à l'heure. C'est un des thèmes de l'émission. N'hésitez pas, si vous avez connu une histoire un peu similaire, à nous appeler au 0 870 42 48. Les amis, cette histoire. Ah, on a déjà des gens qui nous appellent, mais on va les prendre un petit peu plus tard, mais parce qu'on va raconter en premier, nous, cette histoire qu'on a vécue avec Benz. Je te laisse raconter le début. Musique. Je sais même pas par où commencer, tellement cette soirée était catastrophique. La route. Il faut dire aux gens que nous, on a fait des soirées en club ensemble. Voilà, alors on fait des showcases. L'histoire, en fait, c'est que j'ai traîné Big Flo et Oli en club parce que les clubs nous demandaient des showcases de Big Flo et Oli. Ouais. C'était de ça déjà il y a quelques années. Ouais. Et à force de négociations, ils ont accepté. C'était parmi les premiers clubs qu'on faisait. Voilà. Et on reçoit un appel de toi, donc, de Benz, qui nous dit: les amis, j'ai une soirée en club. Le 25 décembre. Le 25 décembre. C'est bon? Déjà, ça vous laisse. C'était un lundi 25 décembre. Donc, ils nous disent, bah, t'es sûr et tout. Je leur dis, les gars, ça va bien se passer, c'est un beau club et tout. Il nous dit, écoutez-moi bien, c'est sûr, ça va être une tuerie. On lui a dit, personne ne sort en club le jour de Noël. Ouais, et on lui dit, personne. On lui dit, bon. Ah, bah, même Daniel. Ah, bah, non. On lui dit, ok, c'est le 25 décembre, mais c'est où? On peut savoir au moins la ville où c'était, etc. Alors, oui, tout à fait, c'était à Clermont-Ferrand. Aïe. C'était à Clermont-Ferrand. Non, elle dit pas, et un gros bisou à tous ceux qui nous écoutent à Clermont-Ferrand. Non, ça vous laisse la suite. Mais vous savez quand même. Oui, voilà. Vous-même, vous savez. C'est un détail important parce qu'on partait de Montpellier. On partait avec une navette, donc une voiture. Donc voilà, l'organisateur est venu nous chercher à Montpellier en navette. Et on est parti donc direction Clermont-Ferrand, donc pour aller au club. Ah mais oui, mais j'avais oublié ça. Ah oui, non, mais c'est un détail très très important. On était, donc, écoutez-moi bien, j'ai pas, Oli me fait un geste, il veut que je mette un bruitage de voiture, j'ai pas. T'as pas? Alors, Si. C'était le détail le plus important de la soirée. On était en train de rouler et là, on arrive au péage de Clermont-Ferrand et là, la personne, donc l'organisateur, nous dit, j'ai noté sa phrase pour l'avoir toute ma vie. Ah, tu l'as noté, tu l'as ramené. Il nous a dit, il va falloir qu'on passe à la pompe, j'ai plus d'essence. Et nous, à ce moment-là, on est confiants. On est confiants, on sort nos téléphones, on cherche la pompe la plus proche. Parce que généralement, quand quelqu'un dit ça, c'est juste, ben, tu vois, il me reste 30 km. On est en réserve, c'est un peu compliqué, on va devoir aller mettre de l'essence. Et en fait, on passe la barrière du péage et on n'entend plus le moteur du van, en fait, qui nous amenait. Ouais. Et on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'essence. Et il nous dit, non, mais les gars, j'ai plus d'essence. Là, maintenant, je n'ai plus d'essence. C'est fini. Voilà. Le bruitage est très, très bien placé. Le mec nous a regardé dans les yeux, je m'en souviendrai toute ma vie. Et il avait une grosse goutte. Tu connais la goutte qui tombe sur le front? Il nous a fait, non, mais j'ai actuellement plus d'essence. C'est pas genre je vais bientôt plus avoir. Et donc on s'est retrouvé en panne sèche. C'est ça. Quelque part près de Clermont-Ferrand. Voilà. En train de donc on a regardé, on a checké sur nos téléphones pour aller à la pompe la plus proche. Sauf que donc jusque au début tout allait bien parce que en fait on sortait du péage, il y avait une grande descente, donc le van roulait tout seul. Ouais. On s'est dit bon c'est cool. Sauf que après la descente évidemment il y avait une montée. Eh oui. Et là, sans essence, on avait quelques problèmes. On a dû pousser, d'accord, cette bagnole. Non, jour de Noël. Non, ils ont poussé, Flo. Oui, parce que Flo, il poussait rien, il était au volant, je vous explique le truc. Alors, j'ai un souvenir très très important, c'était la première fois que Flo tenait un volant de sa vie. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je venais à peine d'avoir le permis. Oui. Non, tu n'avais pas le permis. J'avais même pas le permis encore. Non. C'est-à-dire que tout le monde était en train de pousser. Bon, moi j'étais en train de faire des snaps et des Instagram. Et Flo était au volant, donc c'était la première fois qu'il tenait son volant. Et Dylan, Versa et Oli étaient en train de pousser le van pour arriver donc, jusqu'à la prochaine station. Sachant qu'on allait faire un club, normalement c'est stylé de faire un club. Oui. Mine de rien, on arrive à remettre de l'essence, on arrive au club. On y arrive. Alors je coupe la musique. Écoutez-moi bien, coupez-moi toute musique. Bah, c'était exactement l'ambiance qu'il y avait dans le club. Dans le club, je vous jure, j'exagère pas. Daniel Esso, je vous jure. Il y avait 10 personnes. Oh non. D'accord ? 10 mais personnes une, en incluant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 en incluant le staff. Petit détail, les amis. En incluant le staff. 10 personnes, staff. Petit détail, les amis. Les gens de sécu, les barman, les serveuses, tout était compris dans les 10 personnes. Et en plus, c'était un des plus grands clubs de France. C'est je crois. Ça, c'est ça, c'était un ancien plus grand club de France. Ouais. Imaginez, c'était un club qui pouvait accueillir 1500 personnes. Ils étaient 10. On arrive, contractuellement, on est obligé de faire le show. On est obligé, en fait. Ah non. Et le malaise, mon frère. Écoutez-moi bien, j'ai jamais ressenti un malaise pareil que de la loge jusqu'à la scène. On est-ce j'ai cru que j'allais marcher un marathon. Est-ce que vous vous rappelez, les gars, dans la loge, quand l'organisateur est venu nous voir et qu'il nous a dit « Alors, il y a du monde » et qu'il nous a dit « Ouais, ça va, Un truc c'est ça, c'était exactement ça. Mais bon, contractuellement, on a dit « On va faire le taf » quand même. On est arrivé sur scène et il y avait exactement deux mecs bourrés, mais très bourrés, qui étaient collés à nous et qui faisaient « Ouais, Big Flo, en fait, petit détail sur les 10 personnes, la vérité, il y en avait deux qui étaient fans. Le reste, ils s'en battaient les couilles. Il y avait 5 mecs dans le noir au fond qui croisaient les bras et qui nous regardaient méchamment. Et 2-3 pauvres personnes qui étaient là et qui faisaient. Il y avait Sofiane au fond qui nous faisait des fuck avec une capuche. Joyeux Noël. Donc moi, j'ai mixé un quart d'heure avant que vous démarriez le showcase. Et il y a une technique de DJ. Il y a une technique de DJ, je vais la donner pour tous les DJ débutants. Déjà, ne vous lancez pas à dire faites du bruit quand il n'y a personne, parce que c'est un très très grand problème. Et c'est ce que Flo n'avait pas compris à l'époque. Non, en fait, je vous explique. On demandait aux gens de faire du bruit et tout, et à chaque fois, on avait notre ami DJ Benz qui envoyait précisément ce son. C'était pour masquer le vide. Faites du bruit. Voilà, c'était pour masquer le néant. Et à un moment donné, écoutez-moi bien, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis devenu fou. Je me suis retourné vers notre DJ et j'ai fait non, non, non, Benz. Pas la sirène. Pas besoin, elle l'a dit. Pas la sirène. Là, je l'ai vu, le regard livide. Et j'ai dit, moi, je vais rentrer à Toulouse, je vais pas dire que Clermont-Ferrand c'était nul. Pourquoi j'ai fait ça? Ils étaient 10. C'était voué à l'échec. Et j'ai fait, Clermont-Ferrand, faites du bruit. Oh, et écoutez-moi bien, le silence, écoutez, il était pur comme ça. C'était un silence cristallin. C'était la pire soirée de notre vie. Tu vois, Daniel, comme quoi, aujourd'hui, maintenant, on remplit des grandes salles et tout. Et vous avez fait quoi, alors, après? On a fini le show et on est rentré. Vous avez fait le show, quand même? On a fini le show et on avait la honte, Daniel. On a été honteux. Daniel, the show must go on. Les amis, on va s'écouter un son. Voilà, c'était l'histoire du petit bid. N'hésitez pas à nous appeler au 0870-42-48 si vous avez un bid, une histoire comme ça qui elle, vous elle est était pourrie, notre histoire ou... Non, elle n'était pas du tout pourrie. En plus, le pire, c'est que ça se passe à Noël, quoi. Ah ouais, c'est ça qui est horrible. Le soir de Noël, les amis. Le 25 décembre. Mais bon, comme on dit, on a été payés. Les amis, on va s'écouter bon. Orelsan. On a choisi de mettre un petit Orelsan basique, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Ok. J'ai demandé à Scred de faire une instru simple. Parce que je vais dire des trucs simples. Direct sur énergie. Parce que vous êtes trop cons. Ah ouais, c'est sympa ça. Ok. Simple. Basique. Basique. Simple. Okay. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique. Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple. Faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique. Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple. Entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique. Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple. Les dauphins sont des violeurs. Ouais. Méfie-toi des apparences. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change, tu te fais baiser. Basique. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché. Basique. Simple. Les amis, je lis vos tweets par rapport à l'histoire. Il y a Mélina qui me dit: je me suis senti tellement mal en écoutant leur histoire, comme si c'était moi qui l'avais vécu. Ah ouais, ouais, je peux te dire, Mélina, on était mal nous aussi. On va se lancer la pub par contre tout de suite, c'est la pub qui part. Ce soir. La nuit de rêve sur Énergie. L'émission spéciale de Big Flo et Oli. La playlist suprême. Et de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, tu comprendras. Big Flo et Oli, Marnik et Smack. Trois cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Fresh Day Zalando. Pour Noël, mon shopping en avance. Jusqu'à moins 50% sur toutes les tendances. Commande avant midi, livraison en 24 heures garantie. Et si je change d'avis, le retour est gratuit. Du 9 au 17 décembre, à vous les Fresh Days Zalando. Levi's, Nike, Tommy Hilfiger. Découvrez une sélection très tendance avec des remises jusqu'à moins 50%. Pour un shopping toujours plus facile, livraison 24 heures en point retrait et retour gratuit. Détails de l'offre sur Zalando.fr. Fresh Day Zalando. On dit qu'à Noël, des rennes magiques voleraient dans le ciel tout en laissant des traînées de poussière d'étoiles. Oui, oui, on le dit. Bon, de toute façon, ce qui compte à Noël, c'est les chocolats Jeff de Bruges. Raffinés, fondants, onctueux, à partir de 11,10€ le ballotin. Jeff de Bruges, tout l'esprit de Noël dans un chocolat de qualité. Pour votre santé, bougez plus. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Hit 2019. Tous les plus gros hits sont réunis sur 3 CD. Avec en exclu Tadjo, David Guetta et Anne-Marie, Amir, DJ Girac, Soprano, Sia, Shawn Mendes, Claudio Capeo, Vitae Slimane, Dua Lipa, The Prince Karma, Dinoro et Gigi D'Agostino, Big Flo et Oli. La compil Énergie Hit 2019, vendredi dans les bacs. Le monde a sombré dans le chaos. De gigantesques villes nomades arpentent la terre en quête de proie. Cité prédatrice en approche! Peter Jackson présente Mortal Engines. Pour stopper cette mécanique mortelle, seule une jeune rebelle peut sauver le monde. Je savais que tu ne lâcherais pas. Par les créateurs du Seigneur des Anneaux, Mortal Engines, actuellement au cinéma, avec Énergie. La nuit de rêve sur Énergie. L'émission spéciale de Big Flo et Oli. Ah, les ça amis. Fait plaisir. Est-ce que je peux profiter de faire un peu mon, on va ouais, dire, mon lèche-cul. Voilà, j'ai envie de le dire. J'ai envie de remercier Energy parce que c'était un rêve de gosse. Merci au boss d'Energy. Merci à Energy. Merci à toute la team qui nous accompagne. Franchement, on a été accueillis comme des rois. On est très bien. J'avais envie de le dire. Voilà. C'est du pas... bruit pour Energy. Ouais. Ça fait plaisir. Non, pas cette sirène, pas cette sirène. Ça va, j'ai mis tous les bruitages que j'avais festifs. Les amis, on vous a dit d'appeler, donc on a des gens au téléphone. On a Julie, 20 ans. Ah non, elle est en bleu, donc c'est pas bon. C'est bleu, c'est bon. Il a rien compris. Attends, Mika, tu peux nous aider, Mika, au micro. Tout ce qui est en vert. Ah non, mais on va pas appeler Julie. On va appeler Romane. Romane, elle a 16 ans. Elle va nous parler d'un truc. Romane, tu te calmes, hein. Parce que je t'ai entendu crier là. Non, c'était pas moi, c'est une amie. Ah d'accord. Romane, donc toi, t'as 16 ans, tu viens d'où? Je viens de Gif-sur-Yvette. Non, je veux pas le prénom de ta grand-mère, je viens. D'où tu viens, la ville de Gif-sur-Yvette, c'est dans le 91. Gif-sur-Yvette. Daniel, tu connais? Ouais. Pas du tout. Non. Est-ce que tu veux qui est derrière? Tu peux dire à tes amis de se calmer, Daniel. Elle a le prénom de ma petite fille, Romane. Ah, c'est vrai, ça c'est mignon. Tu peux lui passer un big up, dis-lui big up, Romane. Big up, Romane. Voilà, yes, magnifique. Alors raconte-nous, Romane, qu'est-ce qui t'est arrivé? Apparemment, il t'est arrivé une galère, toi. Ouais, alors, le week-end dernier, j'étais en soirée pour l'anniversaire d'un ami. Un ami ou un ami? Laisse-la non, parler, putain, un lourdeau. Ouais, ouais. Un ami, mais il est en couple. C'est ça. c'est vrai. Ok. Et en gros, il avait invité des potes, normal. Et puis, on commence à passer la soirée, et puis il propose de faire un jeu, soit tu fais une action, soit tu bois. Et donc je me retrouve 40 fois avec un papier qui dit telle fille et Romane, vous vous embrassez. Donc tu sais, moi je joue le jeu parce que je me dis bon vas-y, c'est rien du tout. Calme-toi Romane. Oh, ok, d'accord. Oui d'accord, ok. Donc il fallait faire un petit bisou avec une fille, c'est ça? Sofiane, il est rouge, il est pas bien. Non, j'écoute. J'ai pas failli, je l'ai fait, mais parce que moi ça signifie rien pour moi. Ok, toi tu kiffes même. Non, pas du tout. Ok. C'est vraiment ça. Ok. Et alors, et c'est quoi la gênance? Ouais, du coup. Oh là, c'est bon, j'ai la fin. ça s'est refait 4 fois et je comprenais pas. Et c'est après que j'ai appris que en fait la fille elle était sur moi. Et la fille elle était. C'était une technique. C'était fait exprès. Elle avait demandé à tous les gens de la soirée de mettre des papiers sur le pour le jeu. C'est mignon, n'empêche. C'est mignon comme technique. C'est un peu lourd quand même. C'est un peu lourdingue, mais moi je trouve ça mignon, non ? Alors la vraie question, c'est est-ce que vous êtes en couple maintenant ou ? Moi non, je suis pas en couple, mais la meuf elle était en couple. Ah, la gêne. Et tu lui as, quand tu lui as appris, tu lui as dit quoi ? Tu lui as dit excuse-moi, désolé, mais. Je m'en voulais quand même. Je m'en voulais vraiment. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Attends, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça rigole ? On rigole pas pour l'histoire de Romain. C'est que Daniel, elle lance des bruits. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est magique, Daniel ? Elle rigole, genre. On peut plus, les gars ! Mais t'as dû l'entendre aussi, Romain. Désolé. Mais... Daniel. Je t'adore, Daniel. Et donc, tu lui as dit, attends, Romain, tu lui as dit quoi, du coup, pour un peu enlever le malaise, quoi ? Tu lui as dit quoi ? Et je fais, bah, je suis désolée, je savais pas, mais enfin, ça signifie rien pour moi. Je fais, non, mais t'inquiète, moi, je suis pas en couple ce soir. Je fais, ah ! Ah, okay. Ça, elle a bien pris ou pas ? Bah elle était contente du coup, mais elle a dit en fait elle s'en fichait, elle voulait juste pour la soirée parce qu'elle m'a dit moi ce soir je suis pas en couple. D'accord, bon mais écoute, ouais, en vrai ça va, en vrai on a ça vu va. Pire. Après, en vrai, franchement, ça faites pas le ça les gens, c'est un peu lourd quoi, c'est, ça fait forceur. Le plus gênant c'est que ce soir j'en avais parlé à mes parents parce qu'il n'y a pas de gêne avec mes parents. Ah c'est cool. Et le plus gênant. Et ils ont dit, et ils en ont parlé à toute ma famille en dîner de famille. Ah, voilà, ça c'est gênant. C'est très gênant. Ah, ça c'est malaise. Est-ce que voilà. Ton père a fait, la petite Romane, elle a embrassé une fille à la soirée. Du coup, c'était vraiment super gênant parce qu'ils m'ont vanné toute la soirée. Ouais, bon, ben écoute, ouais. Merci Romane d'avoir appelé, merci d'avoir partagé cette situation de malaise. Merci Romane, ça arrive. C'est la vraie vie aussi, les malaises. Un gros bisou à tous les habitants de Gif-sur-Yvette qu'on appelle les. Gifois. Les gifois. Ça, Daniel, tu savais pas, tu vois. C'est là d'ailleurs où une certaine dame qu'on appelle Yvette a inventé le gif. Le gif animé. Ah ouais. Voilà. Non, oh, c'est nul. Non. Pas validé. Pas validé. Yes. Bon, Romain, on te fait des gros bisous. Je te dis la vérité, je sais pas comment raccrocher avec toi. Donc, je rappuie. Mika, je te fais des bisous, Romain. Bisous. Ah, okay, il s'est pas raccroché en fait. Ça y est, c'est raccroché, je crois. Il suffit de repousser dessus. Ah voilà. Ça marche. Ah, ok. Ça alors, va, ça va. On a dit qu'autour de la table, on avait notre amie qui est notre amie Sofiane. Oui. Ouais, Sofiane, tu nous as ramené un petit jeu. Oui. Il faut que tu nous expliques un petit peu ce que c'est le jeu. Ouais. Alors le jeu, il est très simple. C'est en gros, j'ai l'habitude de faire des tournois de films ou de séries ou de jeux vidéo sur Twitter, Instagram et tout ça. Quelle voix de radio, j'adore. Putain. C'est vrai, putain. Oui, c'est vrai que toi, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, oui. Tu fais des vidéos, tu fais des tournois entre les films, voilà, ou les c'est séries. Ça. Les gens pendant une semaine sur les réseaux, les gens doivent choisir entre deux jeux vidéo préférés, genre Pokémon ou Mario Kart, tu vois. Ok. Et c'est impossible de choisir. D'accord. Moi, ce que j'ai fait là. D'ailleurs, c'est hyper agréable de cliquer sur les. Moi quand je les regarde les stories, Instagram, c'est trop agréable. Choisir, ouais, on adore tous. Bah ouais, surtout quand on aime les œuvres. Et là, je vous ai demandé juste avant l'émission de m'envoyer vos 16 rappeurs préférés. Alors là tu m'as grillé que je faisais semblant de pas connaître le jeu en fait. Mais vas-y, quoi? Je continue. J'ai pas compris. Ah oui, c'est quoi ton jeu? Vas-y. Parce que du coup, tu m'as dit, je vous ai demandé. Ça, on peut le dire. C'est vrai que tu nous as demandé ça. Oui, je pense que tu vas pas. Tu sais pas ce que tu vas subir là. Parce que ça fait souffrir un peu, tu vois. Ouais, tu vas devoir choisir à chaque fois entre deux rappeurs. Ah putain. Des rappeurs que t'aimes énormément. Ouais, tu vas devoir choisir entre les deux. Et à la fin, il y aura une finale en fait. Tu vois, parce qu'en fait, il m'a envoyé un truc sur Insta me disant choisis. Donne-moi 16 rappeurs préférés. J'ai pas tilté que ça allait être pour ça. Et d'ailleurs, on va voir si Daniel les connaît un peu. Il y a des noms, tu et vas le nous truc, dire. C'est quoi? C'est qu'en gros, c'est Big Flo, Oli, vous allez devoir choisir. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est Daniel qui choisit. D'accord, ok. Ah putain. Ah bah oui, parce que est-ce qu'on peut en faire un dès maintenant? Mais dès maintenant, cousin. Mais dites-nous aussi votre choix avec le hashtag Big Flo Oli sur Energy. Macklemore, ouais. Ou IAM? Oh putain. Ah, franchement, c'est dur, mais IAM. Franchement, le truc IAM, moi je dirais IAM. Bon, si. Tu vois qui c'est IAM? Chose, Daniel, en ah plus. Ouais, je vois qui c'est. Eh ben ça part tu sur connais, IAM. Je danse le Mia. Mia. Wow. Macklemore, tu connais pas par contre? Ah. Tu connais Macklemore? Non, elle connaît pas. Ah, t'as droit, on choisit IAM. Et donc, pendant tout le fil de l'émission, tout le fil de l'émission, moment... en plein milieu, je peux te couper. Je vais te dire, mec, Macklemore, IAM. Là, vous avez choisi IAM, c'est cool. Voilà. Non, ça va. Putain, il met la pression ton jeu là. Okay. Tu me stresses, frère. On a une autre situation de malaise. On va juste avoir le temps de lui dire bonjour. C'est Julie. C'est Julie qui nous vient de Lourdes. Salut, ma Julie. Allô, Julie. Allô, Julie. Oui, c'est moi. Ça va bien? Tu es à Lourdes? Tu vis à Lourdes? C'est ça, oui, juste à côté. Bon, tu es notre petit miracle, Julie, ce soir. Oh là, c'est ringard. J'aurais dit, j'espère que ton histoire n'est pas trop lourde. Oui. Merci, elle est validée. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous teaser ton histoire parce qu'il va y avoir la pub qui arrive là? Okay, il y a quelques années, je faisais les magasins avec une copine. On était dans un magasin de chaussures. Et là, il y a toujours les petits accessoires à l'entrée, tout ça.

déodorant pour les chaussures, c'est pour que ça sente bon et tout. Ah ouais, oui, oui. Alors on va dire. Et sauf que je savais pas comment ça marchait moi, donc j'appuie dans tous les sens et tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais qu'est-ce que tu fais, Julie? Et je sais pas vraiment. Et en fait, bah tout m'a éclaté dans la figure. Voilà. Oh, mais t'as pris du déodorant pour pied dans la gueule. Pied dans la gueule. En fait, bah ouais, bah, je savais pas comment ça marchait. Et en fait, c'est que ça m'a piqué les yeux et tout. Sauf que j'étais face aux caissières, j'étais face au tel de la sécu. Ah mais tout le monde t'a vu faire ça? Tout le monde m'a vu et wow. J'avais mal aux yeux. Il pensait que tu puais des pieds et des yeux. Je sais pas. En fait, tout le monde s'est mis à rire et ma pote aussi et tout le monde me regardait. Quoi. Et toi, t'as jamais pu demander la vidéo surveillance? Ah ouais, pour te voir. Vraiment. Ah, ça aurait été marrant. Ça. T'aurais pu faire un buzz en fait. Ta pote, elle t'a soutenu ou elle s'est moquée de toi? Ah non, mais pas du tout, elle était morte de rire. Ah là là, bon, ça c'est une petite honte en vrai. Ça va, ça passe, ça va. C'est mignon. Ouais, ça va, mais j'ai eu mal aux yeux quand même. Appelez-nous au 0870 42 48. On veut de la honte vraiment internationale. Ouais, même Julie, si c'est vrai ça que va, ça se passe. Prendre du déo dans la gueule devant tout le monde, c'est un peu gênant. Je te fais de gros bisous, ma Julie. Ouais, merci et hâte d'être au 25 mai. Ah, tu viens au stade de Toulouse? Ouais, je viens et je suis déjà venue à Pau en mars. Tu viens de Lourdes pour nous voir? Ah oh bah oui, oui. Ouais, merci évidemment. Beaucoup. Mais Julie, viens avec un déo pour pied, je te reconnaîtrai. Ouais, ok, d'accord. Je te fais des gros bisous, ciao, ciao. Ouais. Les amis, je vais raccrocher. Oh là là, je vais raccrocher la gueule, quoi. Flo, attention les amis, Flo va vous mettre un son, il choisit le son. Et c'est l'invité mystère. On vous prépare des petites surprises. Donc je vous explique le concept. Il y a quelqu'un qui est au bout du fil. Là on a appelé quelqu'un. Il a la voix déformée pour pas que vous le reconnaissiez. Putain, je sais pas parler français, c'est bon. Et en gros, vous pouvez lui poser des questions. Il va vous répondre oui et non. Vous pouvez le faire parler, tu vois, lui dire des petits et trucs. Bien sûr, vous jouez avec nous, bien entendu, sur le hashtag BigFloEoli sur Énergie. Ok. Faut trouver qui c'est au téléphone. On peut attention. Avoir un indice ou pas d'indice pour l'instant. Okay. Quand vous êtes en galère, vous nous dites indice s'il vous plaît. Et on vous lâchera des petites croquettes. Ok. Je le prends. Vous êtes prêts? Prêt. Allons, invité mystère. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir. McFly. Oh, oh, oh. Non, c'est non, pas mal. Ça va, commence pas. Mec, avec un bonsoir. Un peu, parler. Bonsoir, pardon. L'invité mystère, tu vas répondre par oui ou par non aux questions. Est-ce que c'est bon pour toi? Ta voix, elle fait peur. Hein. Vous m'entendez? On t'entend parfaitement. On t'entend parfaitement. Déformé. Ok, bah je suis là. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Mais pourquoi vous avez modifié la voix de. Attends, mon pote, parce qu'il y a la voix de Daniel qui est modifiée. Pourtant, elle en a pas besoin. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Oh, autoritaire. Déjà, tu sens qu'il a de l'expérience. Vous pouvez poser des questions. Benz, commence la première question. Est-ce que tu es un chanteur? Ok, merci beaucoup. Tu l'entends? T'as entendu? Invité mystère? On n'a plus l'invité mystère. D'accord. Il disparaît. Yes, attends, vous pouvez nous aider parce excusez-moi, que si la régie nous aide pas, c'est notre première émission. C'est notre première émission. Oh non, attendez, il est où là? C'est l'invité mystère. Vous m'entendez? Ah, voilà, là, c'est bon. Invité mystère, j'aimerais savoir, est-ce que tu es un chanteur? Oui. Oh. Est-ce que tu fais du rap? Voilà. Fais du rap. Est-ce que tu fais du rap? Oui et non. Oui. Oh, okay. Allez, oui, c'est oui. C'est un rappeur chanteur donc. Ouais. Oui. Est-ce que oui. J'ai peut-être d'accord. Une question. Oui. Est-ce que tu es de Paris? Oui. Oh, okay. Ils sont forts, t'as vu? Ouais, ça va vite. C'est bien. Hein. Wow. Ah, putain, je... Daniel, t'as une petite question? Moi, j'ai Squeezie. Non, c'est pas lui. Ah, c'est Blafric, c'est question. Pas lui. Sur. Oui. Attendez, Daniel, oui, excusez-moi. Je vous explique. Ah, voilà. Ah. Ouais. Parisien. Un rappeur chanteur parisien. Allô? Moi j'ai quelqu'un qui a trouvé. Il y a quelqu'un qui a trouvé sur le hashtag BigFloEoli. Il y a quelqu'un qui a déjà trouvé. Ouais, ils sont forts. Hein. Oui. Moi j'ai une question. Est-ce que tu as sorti un album il y a pas longtemps? Genre il y a moins de 6 mois, on va dire. Pas du tout. D'accord. Il est dur en plus. Wow. Hein. T'as vu, il répond sec. Daniel, une question. Est-ce que tu es de Marseille? Non, on vient de dire qu'il est de Paris. Ah oui, mince. Il y a quelqu'un qui a dit que Daniel, ça va pas du tout. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question qui va peut-être confirmer mon choix. Est-ce que tu as fait partie d'un collectif? C'est bon, j'ai. Putain. Un collectif de rap, par exemple. Il est quoi un collectif de rap? Allez. Non, toi, tu as quelqu'un? Est-ce que tu fais partie de... Est-ce que tu es en feat sur l'album de BigFloEoli, La vie de rêve? Est-ce que je suis en feed sur le... Je me rappelle plus. Oh, allez, alors à ton avis, c'est qui? Black M. Ouais, sûr. Ah, oui, c'est Black M. Yes. C'est pas possible. Comment vous avez fait? C'est la voix, c'est la voix. Ça va, frérot? Merci beaucoup d'être là, Black. Black M, j'ai fait... Yes. Et Black M, il s'est pris au jeu. T'as kiffé, frère. T'avais une voix de film d'horreur, mon frère. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ça fait trop plaisir de t'entendre, frérot. Énorme. Eh ben, merci. Putain, moi, je suis pillé à chaque fois. T'es en studio ou quoi, frérot? Non, là, je suis chez moi. Tranquille, t'es posé? Ouais, je suis posé tranquillement. Est-ce que tu regardes Miss France, Black? Exactement. C'est vrai? Tu sais. Et ouais, parce que tout le monde regarde Miss France, tout le monde. Sauf moi, toute la France est posée devant Miss France. Sauf nous, on va faire des pronostics tout à l'heure, je pense. En tout cas, moi, je tiens à dire vraiment merci à Black parce qu'il nous a fait l'honneur de poser sa voix sur notre album. Et on peut le dire, ouais. On l'a dit en story et tout. Il y a le clip qui arrive là, on a bien rigolé il y a quelques jours. Yes! C'était une journée mortelle, on a fait un clip de fou et j'espère que les gens ils vont kiffer. On a trop kiffé. Écoute, merci mon Black d'avoir joué le jeu avec nous. Ça fait trop plaisir. Il est sur l'album avec nous et il prépare le sien en ce moment. T'es en studio, je sais. Ça arrive pour 2019, hein. Exactement, j'attends tes prods. Et vous êtes... je vais t'en envoyer. Daniel, tu vois qui c'est Black M? Bah oui, parce que j'ai fait à... C'est ma copine. Bah, t'es mon copain, hein, Black. Rappelle. Incroyable. Vous avez fait quoi on ensemble? On avait bien rigolé, hein. Vous avez fait quoi? Ouais, on s'est déjà croisé plusieurs fois. Ouais, et tu habites rue du Bac. Bisous frérot. Team Cheyenne. Bisous la famille. Mais Daniel, mais ça va pas ou quoi? Mais t'es malade. Je soupçonne la triche là. C'est pas possible. Et ça allait trop vite là. Non mec. Mais non, ils ont posé plein de questions. Ouais. Collectif, ouais, je sais pas trop. Et toi, après c'est bon, j'ai capté. Est-ce qu'il y aura moyen tout à l'heure de remettre la voix grave sur Daniel parce que ça c'était très très drôle. Les amis, en attendant, je vais vous dire exactement ce qu'on va s'écouter parce que je le sais par cœur. Je suis pas en train de regarder sur mes fiches. Non, pas du tout. On est totalement pro. On est des rois de la radio. On va écouter Angèle et Romeo Elvis, on a voulu le mettre parce qu'on aime beaucoup ce son. Il faudrait tout oublier. Et je sais que Sofiane adore. Juste avant Angel, et j'aime beaucoup Romeo Elvis. Ah, vas-y. On a fait un doublage ensemble, tu connais les bails. Dis-moi. J'ai juste une petite question pour Big Flo Oli. Kerry James ou Cynic? Oh là, le bâtard. T'es horrible, frère. Mon père ou ma mère aussi. Exactement, moi, c'est ça. Moi, j'ai plus écouté Cynic, la vérité. Et moi, Kerry James. Ah merde, mais comment on fait? Daniel. Kerry James ou Cynic? Tu choisis. Tu connais Kerry James? Non. Tu connais Cynic? D&D 2. Deux rappeurs. Lequel tu choisis? Il n'y a pas un qui te dit quelque chose. Quoi? Cynique? Ouais. Allez, on passe. C'est Cynique qui gagne, les amis. On s'envoie donc, comme on a dit, Romeo Elvis et Angèle. Le son, il s'appelle Tout oublié. Ah, je kiffe, les gars, on réalise un rêve grâce à vous. Je lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Hashtag Big Flowly sur énergie. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon, vie, parfois, je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Flo, Oli, ouais. Lil Wayne ou Busta Rhymes. Oh le bâtard, tu vas nous attaquer comme ça. Mais là comme ça, on mec, en plein milieu. On va répondre ensemble avec Flo, ça fait 1, 2, 3, on répond attendez, ensemble. Attendez, ça parle dans les couloirs là, s'il vous plaît. On est pas concentré. 1, 2, 3, Busta Rhymes. Il fallait choisir entre Lil Wayne et Busta Rhymes. Ouais, mec. T'as pas compris le principe du jeu en fait. Lil Wayne, non, Busta Rhymes, c'est lequel ton préféré? Mon choix, il est pas si. Busta, tu sais pourquoi? Sur l'album. Parce qu'il est sur l'album. Allez, Busta Rhymes. Simplement, ouais. Busta. Je note. C'est bon, c'est noté, t'inquiète. Alors voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, il fait un espèce de tournoi entre des rappeurs. Et voilà. On doit choisir avec Oli à chaque fois notre préféré. Mais c'est horrible, Lil Wayne, Busta Rhymes, la question est dure. C'est très dur. Donc on élimine Lil Wayne. Ouais, j'aimerais qu'on fasse un petit truc là, si, ça vous, si, on a, si on a deux minutes. Je sais pas si on a deux minutes. Oh, mais j'aimerais qu'on appelle des gens au hasard et qu'on regarde s'ils connaissent Big Flo et Oli. Tiens. Un test de popularité. Un test de popularité en direct, mais. Tu veux juste qu'on se prenne un gros bash pour les gens? Non, qu'est-ce que c'est gênant. Je pense que les gens connaissent quand même Big Flo et Oli. On le fait, on y va. On est-ce qu'en régie, on peut faire ça? J'ai des numéros là, ils m'ont intégré des numéros au cas où on devait appeler des gens au hasard. C'est parti. Vas-y. Putain, s'il connaît pas, c'est quoi? Je le fais moi? Je fais comment? Je demande juste comme ça? Ouais. Ok. Mais en fait, s'il reconnaît, on lui offre un album, on va dire. Ouais. Allez. C'est sympa, non? Ah ouais. Deux albums. Allez, deux albums, on lui offre. Ça va revenir cher là. Daniel, tu nous connaissais toi avant de venir là? Je t'attends. Oui, allô. Allô, allô, comment ça va? Oui. Ouais, c'est Jean-Fille de Sondage de France, tout va bien? C'est Jean-Fille de quoi? De Sondage de France, j'ai juste une petite question assez simple. Est-ce que vous connaissez le groupe Big Flo et Oli? Ouais, je connais, ouais. Ah, vous connaissez? Ouais. Ils chantent quoi par exemple? Ouais. C'est pour mon petit sondage. Bah, ils chantent de la merde généralement. Mais... Ok. Ah, pardon. Non, bah, je suis désolé, je pense, mais. Non, ils sont pas mauvais, hein, mais bon, c'est pas mal quand même. Quelle est la chanson que vous trouvez vraiment, genre, la pire de toutes? Moi aussi, je déteste, hein, ça me donne envie d'aller aux toilettes. Ça me donne envie de gerber, moi, cette merde. Mais qui êtes-vous pour que vous m'appelez? C'est quoi ces questions saugrenues? C'est Jean-Pierre, c'est saugrenue. Est-ce que vous avez bu un peu d'alcool ou pas là? Non, jamais, moi, jamais. Jamais, d'accord. Non, avec modération, bah toujours. Ouais, c'est bon, arrête. Hein. On va te dire la vérité, t'es dans la nuit de rêve, t'es sur énergie, c'est Big Flo Oli qui font de la merde, du coup. mais voilà, on est en direct avec toute l'équipe. Mais non, on déconne. Mais c'est nous. Tu as quand même dit, non, je te le rappelle, que Big Flo et Oli, c'était de la merde. Tu nous as dit que c'était de la grosse merde. Mais écoute, tu sais. Énergie, là. Ouais, t'es en direct sur énergie. C'est la vérité. Mais fallait pas dire ça. Mais j'aurais dit un truc bien. Non mais bon, gros bisous, frérot. Ce que j'aime, c'est que tu as été sincère. Ouais. Et ça, c'est beau. Oui, c'est normal. Et t'inquiète pas, il y a déjà notre équipe de sécu. Il y a déjà notre équipe de sécu en route là. Ah, il veut le replay. Non, il disait. Tu disais quoi? Un replay de. Je pense qu'il y aura des vidéos sur YouTube et des trucs comme ça. Tu pourras regarder. Non, on fait de la merde, débrouille-toi. Je vais en prendre un podcast. Frérot, comment tu t'appelles? Julien. Eh bien, écoute, Julien, tu sais quoi? Même si t'aimes pas, il y a forcément quelqu'un dans ta famille qui aime peut-être. On t'offre quand même deux albums. C'est cadeau, c'est pour toi, mon frérot. Ah, bah, franchement, magnifique. Parce que je connais des gens qui aiment bien et je vais leur offrir. Bon, bisous, mon frérot. Bisous, mon Julien. Bisous, frérot. Non, par contre, ils sont très bons, mais bon, c'est pas mon délire. Tu rattrapes pas. Bisous, mon frérot. Bisous, Julien. Ciao, ciao. Ciao, la famille. Ciao. Eh ben dis donc, ça commence. Tu bien. Le mets en galère. Il nous régale, le Julien. Il a dit. Sofiane, t'en fais un ou pas? Moi? Ouais, tu fais un test. Mais vas-y, allez, c'est parti. C'est parti. Après, Daniel, tu vas en tester. Impossible. Impossible. On me fait des gestes. Faut que tu prennes le 7. Le 7, ok, c'est bon, c'est pris. Mais moi j'y vais cash. Le mec il a dit c'est de la merde. Quoi. Il aurait pu juste dire j'aime pas, mais quelle malchance, il y a forcément plein de gens qui aiment. Tu vois au feeling, mise en scène. Allô ? Oui, allô, bonsoir ? Oui. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je fais un sondage par rapport à la nouvelle à la plateforme YouTube. Vous connaissez YouTube ? Oui, tout à fait. Oui, est-ce que vous consommez plutôt cette plateforme ou pas du tout ? Oui, ça m'arrive. Oui, est-ce que vous connaissez par exemple le YouTuber Squeezie ? Oui, je connais. Oui. Je connais. Et l'autre, là, Sofiane, ça vous dit un truc ou pas du tout? Oui, je crois que je vois qui c'est, ouais. Je crois que je vois qui c'est. C'est vrai? Il me semble, ouais, je crois que je reconnais cette voix-là. Ah. Les gars, je vous jure que je reconnais cette voix. Parle encore, ça va? Ça va? Pardon? Je comprends pas. Qui c'est déjà de base, en fait? Alors, vous m'appelez. Oui, je réalise un sondage en fait et je voulais savoir si les gens consomment Internet, YouTube. Bah, disons que dans un monde actuel, les gens qui consomment pas Internet sont des gens complètement. Attends, c'est pas possible là. Je crois que je sais qui c'est au téléphone. Mais c'est impossible, comment vous avez dit? C'est vous qui faites la blague? Sofiane, c'est toi. Allez, vas-y, dis-le. Mais quelle blague de quoi? Les gars, c'est un pote à nous. Je te jure, je reconnais la voix d'un de mes meilleurs potes. Léo? Non, pas du tout. Je suis désolé, c'est pas moi. Wow. Si c'est Léo, c'est pas mais possible. Attends, il a la même Léo, voix. Faut qu'on te... enfin, Léo. Tu t'appelles comment? Thibaut, ok. Non, c'est pas merde. Thibaut, bah, excuse-moi. Alors, mais c'était. C'est qui au téléphone? En fait, c'était Sofiane. Je voulais savoir si tu. On faisait un test de popularité sur Énergie. T'es en direct là sur Énergie. T'es en direct sur Énergie, mon frérot. Avec Big Flo et Oli pour la nuit de rêve en direct sur Énergie. Oh. On est avec Big Flo et Oli. Tu connais Big Flo et Oli? Ben moi, je suis pas trop variété française, j'écoute plutôt du rap. Oh! Non, ça c'est pas possible. Non, mais c'est mon ça, pote. Ça c'est mon pote, ça. C'est notre pote. Allez, personne Léo, répond c'est toi ça. Ou pas? Léo, c'est toi ou pas? Tu peux leur dire, Léo, vas-y. C'est moi. Ah, voilà! Putain, mais bon, comment vous avez fait, bande de bâtards? Vous avez fouillé dans mon téléphone? C'est Benz. Et voilà. Ah putain, je voulais même pas dit, moi, on m'avait briefé, on m'avait dit il y aura un standard, donc moi direct j'ai pas pris une voix. J'étais fait griller. Je suis désolé. Oli, t'es fort, tu reconnais bien les voix. Mais frérot, j'ai grandi avec lui, il était avec moi à l'école primaire, Daniel, c'est un super pote à moi. Ah ouais, bah c'est bien. Bon, mais. Ah oui, très bien. Bien joué, ça va bien mon Léo? Qu'est-ce que tu fais là ce soir? C'est quoi un peu ton ambiance? Eh bien écoute, là je travaille avec votre producteur actuellement, celui avec qui vous bossez à l'année, voilà. Monsieur Clément Libre, voilà. Ben magnifique, tu l'es pas. Ah, qui a bossé sur l'album d'ailleurs. On vous fait des bisous les gars, on va devoir envoyer la pub. Bisous mon Léo, tu nous as bien eu, je raccroche. Hein. Bisous Léo. Bisous les gars, ciao. Ah ben ça c'est bravo Benz. Merci. Si ça commence déjà les galères comme ça, on va pas s'en sortir. J'étais sûr qu'il y avait une entourloupe. J'en ai marre. Les amis, on envoie la pub. Ah ouais, c'est déjà comme ça. Ce soir. 21h minuit. La nuit de rêve sur Énergie. L'émission spéciale de Big Flo et Oli. Énergie présente la Columbia Session de Jane à Paris. Salut, c'est Jane. Venez faire la fête avec moi. Jane a réservé un concert privé aux auditeurs d'Énergie le 18 décembre sur la péniche Le Flot. NRJ, yes. Gagnez vos invitations maintenant sur energie.fr. La Columbia Session de Jane à Paris, un événement Énergie. It's music only. Energy. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold. You pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's

qu'il est bon ce petit son. Il est bon ce petit son, il nous régale. C'est un son de qui? C'est un son de Drake. Oh non, tu vas... je sais ce que tu vas me faire. Espèce d'enfoiré. Oh non, me dis pas qu'il y a Drake. T'aimes bien Drake? Ah, j'adore Drake, genre c'est mon rappeur préféré quoi. Drake, tu connais Daniel? Oh non. Non, c'est un gros rappeur américain. C'est Drake. La musique qui vient de passer. Qu'est-ce qu'elle pourrait connaître Daniel de Drake? Pas grand-chose. Hein. Alors dis-moi, c'est Drake. Tu préfères Drake? Moi, par exemple, j'aimais bien, c'est. Attends. Ouh là là. On a le temps, Daniel. Eminem. Ah non, mais il était super beau. C'était Buff Daddy. Puff Daddy. Puff Daddy. Puff Daddy. Alors là, Buff Daddy. J'étais amoureuse de lui. Ah ouais? Ah, c'est vrai? Ah super. On va l'appeler Daniel justement, c'est une surprise pour toi. On l'appelle. Alors vas-y, c'est, alors, je dois choisir entre Drake ou Rick Ross. Moi je pars sur Drake. Moi j'adore Rick Ross, mais je vais laisser la main parce que Drake c'est quand même une légende là, il a sorti beaucoup de titres et tout. Qu'est-ce que t'en penses Benz? Moi je dirais Rick Ross. Ah, Rick Ross? Ah bah ouais. Tu préfères Rick Ross que Drake? Tous les tubes qu'il nous a fait Drake, frère. Purple Lamborghini, frère. Purple Lamborghini. Bon ok, ben tu le notes. On vous rappelle Sofiane, il nous fait le tournoi des rappeurs. On doit choisir nos rappeurs préférés. À chaque fois, c'est une horreur. Moi, je vous propose un truc. Vous verrez au fur et à mesure de la soirée. Je parle pas forcément pour maintenant. J'ai plein d'infos inutiles. Voilà, c'est le seul truc que j'ai bossé. Ok, donc tu gardes tes petites infos pour toi parce que là, pour l'instant, il nous a teasé sur ça. Il nous en a fait des caisses. Des notre caisses. Ami Benz, il nous a dit j'ai le blind test de l'année. Oh là là. C'est quand tu veux. C'est énorme. C'est parti. Alors en fait, vous m'avez demandé de faire un blind test, mais vous me l'avez un peu demandé au dernier moment, quoi. Enfin, vous m'avez pas prévenu que j'allais passer sur Énergie Nationale. Ça commence à chercher des excuses. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, bon, j'ai essayé de faire un truc assez compliqué parce que j'allais pas faire un blind test normal, sinon ça n'a aucun intérêt. Et j'ai décidé de rejouer des morceaux que tout le monde connaît avec différents instruments, etc. Le premier morceau que j'ai joué, c'est un tube. C'est un tube. Des 2018, un tube club que tout le monde connaît. Daniel, elle peut connaître, tu penses? Peut-être que Daniel l'a déjà entendu. On va voir. Okay. Okay. C'est un tube club que j'ai rejoué à la flûte. D'accord. Alors, je vous mets. Je le sens pas. Il est facile. Allez, je vous mets un petit extrait. Attention, je tiens à vous préciser, ça peut être la mélo de la voix, tu vois, du chant. Okay, c'est pas obligé de la musique. D'accord, très bien. Allez, c'est parti. C'est une horreur ton truc. Refrain. Putain, ça me dit un truc, c'est horrible. Mais oh, c'est infernal. Putain, ça me dit un truc aussi. Alors, vite. Ton instrument, il est vite. Horrible. Il y en a plein, vite. J'ai pas du tout. Ok, c'était le morceau qui faisait. Hello papi, Mickey Bob. Oh là, mais c'est pas les nôtres. Bon voilà, c'était déjà, c'était facile, voilà. C'était censé être facile ça. C'était le plus simple de tous. Bon, voilà, j'ai compris que la flûte, ben, c'était pas du tout pour moi. Et puis dimanche, j'ai vu Oli jouer de la trompette à Bercy et ça m'a donné envie d'essayer la trompette. Voilà, j'avais vraiment envie d'essayer. Vas-y, et j'ai fait pareil un tube qui a maintenant quelques années, mais qui a été un tube français. Voilà, attention, c'est parti. J'écoute. Ça compte pas, c'est juste je l'accorde ma trompette. Oh, c'est une horreur, c'est vraiment pas beau. Armstrong. Non, c'est pas possible. Mais attends, les mecs, c'est impossible. Mais si. Le mec, il est drogué. C'est un mec, il est beatmaker, il est pas bien dans son studio. Eh ouais, putain, ouais, les gars, c'était le morceau qui faisait. Ouais, ça, j'en étais sûr. Bon, on est d'accord, vas-y, les gars. Enchaîne, on est d'accord. La trompette, c'est pas pour moi non plus. Bon, du coup, j'ai voulu essayer un classique de la variété française. Et là, Daniel, je compte sur toi. Vraiment, tu dois pouvoir y arriver. Spécial dédicace. Voilà, c'est un classique de la variété française que j'ai rejoué à l'accordéon. Attention, c'est un peu compliqué. C'est le morceau qui fait. N'hésitez pas à jouer avec nous avec le hashtag BigFlowly sur Énergie. Non, c'est les années combien? Vous n'y arrivez pas? Ouais, je sais. La web. Voilà, Daniel, faites un maximum de bruit pour Daniel, s'il vous plaît. Daniel. explose. Eh oui. La bohème. Quelle voix, Daniel. Magnifique, magnifique. Mec, excuse-moi. C'est Daniel qui a un point, quoi. Je suis dégoûté. Excuse-moi, mais là, je suis d'accord avec Natacha qui nous dit sur le hashtag mort de rire, tu nous fais quoi là, Ben? C'est hyper dur. C'est hyper dur. Bon, écoute, j'en saute un parce que celui-là, il est vraiment trop compliqué. Ah. Bref, alors, bon, du coup, j'ai dit, je vais aller chez un ami à moi qui est producteur de musique, tu vois. Coup dur pour nos oreilles, hein, je veux dire. Je suis allé voir un ami à moi qui est producteur de musique et je lui ai dit, pour qu'il m'aide à vraiment voilà, faire un blind test crédible, je suis monté dans ma voiture et j'ai allumé la radio. C'est la radio que j'ai allumée, c'est la radio Canard, elle s'appelle. Voilà, c'est à partir de là, c'est du n'importe quoi, je tiens à vous le dire. Voilà, j'adore cette radio. Toute la journée, c'est des canards qui animent, des canards qui mixent, des canards qui parlent. Il est malade, ce mec. Et genre, les canards m'ont chanté un tube. Ça, c'est obligé que vous le connaissiez. C'est du rap. Tu vas voir. Ah, attention, okay, c'est parti. Okay. Concentrez-vous. On voit la sauce. C'est la danse des canards. Impossible. Là, je suis obligé de vous le remettre si vous trouvez pas, c'est pas possible. Attends, refais. Attention, je te le remets. Oh, j'ai une petite idée. Est-ce que c'est un groupe ou pas? C'est un groupe, tout à fait. Est-ce que c'est pas Big Flo et Oli? Big Flo et Oli, c'est dommage ça? C'est dommage. Plus tard. Eh oui, c'est plus tard ça. Mais oui. Attends, remets le moi. Mais je te remets, Et si, vas-y, regarde. Chante. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Je n'ai pas une note. C'est oui. Il n'y a pas une note. Flo, écoute, je tiens juste à vous dire que c'est le numéro 1 DJ français. Il tourne partout dans tous les clubs. J'ai Benz, arrête. J'ai Canard qui mixe. DJ Canard. Daniel, j'espère qu'il ne va pas mettre ça à Saint-Lô parce que sinon les Normands ils vont péter un câble. On va se la mettre, on va se mettre le son plus tard, juste après la fin de ton jeu qui nous casse les oreilles. Flo, la prochaine est pour toi, s'il te plaît. Sauve l'honneur, s'il te plaît. Trouve-en au moins pas une note, Benz. Mon pote habite super loin et du coup j'ai dû traverser la jungle pour y arriver et je suis tombé sur une équipe de singes qui se sont mis à chanter aussi. Et cette équipe de singes avait un peu trop regardé la télé, écoutez bien ce que je dis, avait un peu trop regardé les dessins animés et ils se sont mis à chanter le morceau qui fait, vas-y, j'écoute. Flo, écoute, vous êtes bien sur énergie, hein. Flo, c'est quoi blind test? Y a des normalement avec les dernières notes tu dois trouver, non? C'est des dessins animés. Flo, les derniers dessins animés. Tintin. Flo, excuse-moi Ben, je vais t'expliquer un truc. Tu sais que t'es mon frérot. Et ça restera. Mais c'est impossible à trouver. Il y a pas une Flo, note. Flo, celui-là quand même. Oh là là. Ça le plus grand. Frérot, écoute. Tu sais quoi, garde-en un ou deux parce que c'est marrant quand même. On va aussi prendre des gens qui vont nous raconter des galères qu'ils ont vécues. T'es une galère. On va s'écouter d'ailleurs plus tard qui n'a rien à voir avec ce que tu nous as dit avec Radio Cana. Merci à tous pour les messages sur Twitter, hashtag BigFolie sur Tout le monde est d'accord, c'est impossible à trouver. On envoie le son plus tard. Ben's crack, non, il a besoin de vacances, je crois. Ouais, il a besoin de se reposer. C'est ce qu'on nous dit là avec le hashtag BigFolie sur énergie, on s'écoute plus tard. Yes. Aïe. Extrêmement nouvel album qui est dispo partout, allez le choper les amis. Hein. Tu connais, non? Il y a tout le monde, il y a Daniel, il y a DJ Benz, il y a Sofiane. Benz, stop, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Les questions que je me pose, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais c'était sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. La nuit de rêve, l'émission spéciale de Big Flo et Oli. Aïe, aïe, aïe, aïe, ça fait trop plaisir, la nuit de rêve, notre émission, c'est Big Flo en direct sur Énergie. Si vous venez de débarquer, si vous sortez je sais pas d'où, si vous allez en soirée, mettez-vous bien, ça fait plaisir, on est en famille ce soir, il y a tout le monde, il y a Daniel, il y a DJ Benz, il y a Daniel, Sofiane, il y a Daniel, Flo. Tu nous disais que t'aimais bien ce son, le son plus tard, notre tu son. Comprendras plus ah ouais, tard. J'adore. Tu comprends. Tu l'as déjà oublié, Daniel. C'est-à-dire que non, vos paroles sont véridiques. Ah, merci. Ah, ça sont très vrais. Bah, merci, Daniel. Voilà, ça fait plaisir. Je crois que c'est pour votre maman, pour dire que vous avez grandi. Ah oui, oui, c'est vrai ce que tu dis. Merci. Et, mais on est de jeunesse. Avec votre maman, très, très, très, très, très bien, quoi, je pense. Bah, merci, ouais, beaucoup, merci Daniel, beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà. On va continuer. On pourra même l'appeler si tu veux, ma mère. Ah, si tu veux, ouais. Y a pas de si on a le temps, ouais, avec plaisir, on va appeler la maman. Si on a le temps, ça veut dire qu'il a pas envie, mon frère. Je le connais ouais, très ouais, bien. Ah, ouais. Tu connais cette expérience. Moi, je suis pas l'auditeur, hein, je suis en direct. Là, c'est vrai, mon frérot. On est un gros Big Flo. Il y a pas de souci. Donc, Ben, tu veux absolument continuer ton blind test. Non, un dernier. Allez, un ou deux si on a le temps. Attends, tu sais quoi? Je vais prendre la. Il y a quelqu'un qui nous appelle. Il y a Maëva qui nous appelle. Parce qu'elle a vécu, on me dit, l'histoire la plus gênante de l'histoire. Oh. Donc je vais la prendre. Allô Maëva, tu m'entends? Oui. Ça va bien? Oui, super. Mais tu sais quoi, Maëva? T'as quel âge, Maëva? J'ai 18 ans. 18 ans? Oh, jeune. Oui. Mais t'as une voix incroyable. Elle a le droit d'avoir la voix aiguë. Ah bon? Oui. Alors écoute Maëva, tu vas jouer avec nous si tu peux sur le blind test de DJ Benz, qui est un des pires blind tests de l'histoire. La seule qui a trouvé un truc, c'est Daniel. Hein, c'est vrai. On envoie. Alors écoute, je suis arrivé chez mon pote, donc il s'appelle Sébastien Lewis. Tiens, à lui faire une dédicace. Et il était dans son studio à la campagne, en train de jouer au banjo, un morceau qui faisait. Si, tu vas trouver. Un morceau de rap US. Je t'aide. Rap US. On est en direct sur Énergie. Écoute. Oh. Non, non, non, mais. Ah oui, I love it. Kenny West. C'est ça, tout à fait. Bien joué. Bon. C'est gagné, c'est le premier qu'on a gagné. Là, il y avait des notes. Un dernier, parce qu'on l'a travaillé très très longtemps avec Seb, celui-là, et je tenais vraiment à vous le faire écouter. Vas-y, un point. Je lui ai dit, Seb, fais-moi un truc après. Hein. Fais-moi un truc que voilà, qu'ils peuvent connaître et un truc bien travaillé. Et allez, il m'a joué ça au piano en solo en direct. À vous de trouver. Non. Putain, je l'ai sur le bout de la langue. Maëva, tu l'as pas? Non, du tout. Maëva, tu peux trouver ça. Écoute. Putain, ça me dit un truc, c'est chaud. Putain, j'ai toute la mélo en plus. Il triche, Flo, il regarde sur Twitter, Flo, il triche. Sur Twitter, les gars, ça dit. C'est français ou pas? C'est français, je l'ai pas, je suis con quoi. C'est français? Oui. Les gars, je n'ai pas. Un petit indice? C'est un ami à vous. Vianney. Oh non, mais arrête, Daniel, c'est pas ça. Attends, mais t'as vraiment trouvé, Daniel? C'était quoi? C'est laquelle? Si je vous aime, ben c'est la même. Bah, alors, excusez-moi, vous me dites sur Twitter si c'est moi qui deviens fou. Si, écoute. Ben oui. Si je vous gêne. Non, tu me chantes une mélodie qui n'est pas. Mais si. Mais si. Franchement, il a beau avoir zéro note et des trucs de canard, on peut applaudir DJ Benz. Merci. Ça m'a régalé. Merci pour ton jeu, Benz. Bon courage à tous les gens de Saint-Lô qui vont. Il y en a plein qui ont trouvé. Hein. Ah, il y en a plein merci qui ont trouvé beaucoup. Le hashtag écoute, Maëva, on est nuls. Hein. Qui sont nuls. Hein. Merci. C'est nous qui sommes nuls, putain. Maëva, alors tu dois nous raconter l'histoire la plus gênante de l'histoire. Juste avant, Sofiane, tu nous fais un petit battle de rappeur là. Kanye West ou 50 Cent? Bon, le bâtard. T'as vu comme il dit, il est content de le dire. Je vais dire sans hésiter, Kanye West. Sans hésiter. Ouais, il a marqué le temps. Plus. Ok, Flo. Ouais, Kanye West quand même plus marquant de son époque quand même. Ok. Tu nous en fais un deuxième là, direct. Tout de suite là. Ouais, un petit cadeau. Ok. J. Cole. Ouais. Ou Youssoupha. Oh non, t'es un bâtard. En plus, pour moi, J. Cole c'est l'équivalent de Youssoupha en fait. Putain, c'est vrai. Oh, yes. Ouais. Non, moi je mets Youssoupha. J'ai trop écouté Youssoupha. Moi aussi, parce qu'en plus, c'est un ami. Je peux pas dire pareil pour J. Cole. Mais là, il y a deux amis pour la suite. Là. T'as vu comment il se la pète, Oli? C'est un ami. Il y a deux. Je peux t'enchaîner juste un deuxième? Vas-y. Un dernier? Il est, regardez comme là, il est. Là, c'est deux poteaux, là. Il est vice, là, vas-y. Soprano. Ah, Daniel, elle adore. Ou James. Oh, le bâtard. Bon, si je peux me permettre, pour Oli, je connais la réponse. Ouais, mais à la fois, j'aime tellement Sopra. Ouais. Soprano ou James? Moi, je suis désolé. Je vais mettre James. Ah, Daniel, t'as dit James aussi? De Diams. Bah allez, on met Diams. Allez. Écoute, tu sais quoi Maëva, on va se mettre un petit son et juste après tu nous racontes ton histoire, ok? Ok, c'est parce... quoi, le son, juste frère? En trois mots clés, tu peux me dire un peu les trois mots clés de ton histoire, comme ça va nous teaser. Enfant. Oula. Caca. Enfant. Tu t'es fait chier dessus, ok. Allez, on applaudit ça, enfant caca. Vous êtes bien sur Énergie. Putain, t'imagines. On va se mettre un petit son qu'Oli a choisi. Ouais. Tu reconnais? Ah ouais, j'adore, c'est un de mes artistes préférés. Montez les sons là, j'ai envie que vous montez les sons dans toutes les voitures et partout. Manu Chao, Clandestino. Arriba. Mi pena, solaba mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Manu Chao, qu'est-ce qu'on a pu écouter, qu'est-ce qu'on a pu kiffer, Manu Chao. Les amis, vous êtes bien sur la nuit de rêve, vous êtes avec Big Flo. Big Flo, comme il prend sa voix de radio, Manu Chao, ouais. Manu Chao, qu'est-ce qu'on a. Le mec, il est pas naturel, Manu Chao. Qu'est-ce qu'on a pu. Il a dit vraiment, qu'est-ce qu'on a pu écouter, Manu Chao. J'adore le choix d'Oli, c'est Elsa qui nous dit ça. Merci beaucoup, la famille, voilà. Ça fait trop plaisir. Merci pour tous vos messages depuis le début. Hein. On était avec Maëva, on lui a dit résume-nous un petit peu l'histoire la plus gênante que tu aies vécue. Ouais, raconte-nous ça. En trois mots, elle a dit enfant caca, c'est bon. Voilà, elle n'a dit que deux. Est-ce que. Maëva, raconte-nous ça de suite. Donc, j'étais en CM2 ouais. Et on était dans la librairie avec des amis. Et en fait, j'avais très mal au ventre et j'ai eu la diarrhée. Et en fait, je me suis fait dessus et je suis restée toute la journée avec mon caca en fait parce que j'ai osé le dire à personne. Waouh! Tu as l'Oscar du malaise. Waouh! Wow. Ah ouais, c'est chaud. Toute la journée, c'était à quelle heure à peu près que tu as commencé à chier? Après manger. Mais attends. Et qu'est-ce que tu avais mangé? Oula. Putain de merde. Mais attends, ça veut dire que les gens ils s'en rendaient compte s'ils ont un minimum d'odorat en fait autour de toi. Je sais pas du tout, enfin. Elle a coffré. Mais attends, mais oh ma pauvre, j'ai envie de te faire un câlin là. Ah ouais. C'est chaud. Bah, je veux bien. Hein. Putain, ouais, c'est gentil, mais à mon avis, vu que tu te chies dessus, hein, je vais essayer d'éviter. Non, non, non. Non. Tu sais quoi, Maëva, j'ai envie de dire un truc. Pauvre petite. Oui. Pas normal. J'ai envie de dire un truc, les amis. Je pense que parfois, c'est une métaphore ton histoire. On a tous parfois du caca au cul. Oh, d'accord, ah, ça peut putain, être. Mais c'est une métaphore. Énergie, là. C'est une métaphore. Ça peut être dans le cœur ou quoi. On a des choses. Et au lieu de les garder pour soi et de les cacher et d'avoir du caca dans le pantalon toute la journée, le mieux, c'est toujours de le dire et de dire ce qu'on a sur le cœur. Merci beaucoup. Oh, ouais, merci. Très bien. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Mais au final, tu vois, au final, on en rigole et c'est un bon souvenir presque, non? Ouais. Maëva, pas un bon souvenir. Maëva, on peut dire à tout le monde du coup que depuis aujourd'hui tu es ingénieur chez Pampers, hein, c'est ton nouveau métier. Pas ouf la vanne. Pas ouf la vanne? Non, pas ouf la vanne. Je mets un petit jingle, pas ouf la vanne. Ouais, regarde. Voilà. Maëva, on te fait des gros bisous. En tout cas. Gros bisous. Attends, faire un petit big up à 4 visios que j'adore. Allez, vas-y. Des visionnaires, alors, donc c'est les gens qui kiffent Big Flo et Oli. J'ai Louise. Bisous Louise. Léonie. Ouais. Et Amy. Ok. On leur fait des gros bisous. Des gros bisous. Voilà. Et merci d'avoir appelé Maëva. Merci pour cette histoire qui, j'avoue, elle est très, très, très gênante. Gros bisous. Qu'est-ce qu'il y a, DJ Benz? Non, j'avais une blague par rapport à ta vanne. J'allais dire que ta vanne, elle pue. Allez, Flo, j'ai une petite demande. Est-ce que je peux prendre ta place pour là on se partage. Il nous reste quoi? Oh. Il nous reste une heure d'émission. J'aimerais prendre ta place. C'est en tu direct. Détrône-le. Bah, bien sûr. Je vais te filer la place tout à l'heure. À condition que tu. Attends. Pose ton casque. Je veux l'entendre. Je vais prendre ta place. Je vais essayer de gérer juste pour c'était gérer. C'était mon rêve. Un peu les boutiques. C'était mon rêve. Moi aussi, c'était mon rêve. C'est quoi? Pose-nous un rappeur en attendant. MC Solar ou Kendrick Lamar. Big Flo Oli. MC Solar ou Kendrick Lamar. Ouais. Waouh, c'est hyper fort ton casque, t'es un ouf. Vite. Allez, Kendrick Lamar ou MC Solar. MC Solar parce qu'il a influencé le rap français. Un deuxième, allez vite, je suis chaud. Non, c'est bon, tranquille, c'est bon. On passera la suite après. Voilà, on a une personne avec nous. Je suis bien là. Comme Oli a pris ma place, il va envoyer un jingle très rapidement. Mais avec plaisir, la famille. On est ensemble. On a une personne avec nous. On a une personne avec nous, c'est Daniel. On peut dire que c'est une légende. Oh, alors j'ai l'impression qu'il est plus doué que toi au niveau des jingles. C'est une légende, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Daniel, plus connu sous le nom de Studio Daniel. Yeah. Yeah. Donc Daniel, est-ce qu'on peut dire ton âge ou ça se dit pas? Ah bah ça se dit pas pour. Ça se dit pas. Alors est-ce qu'on peut donner une tranche? Je prends les bons âges, j'ai 64 ans. On applaudit ça. Non, je pense qu'elle a pas 64 ans. Si. Je pourquoi pense que tu es plus jeune parce que quand je te vois, j'ai l'impression que tu as 25 ans, Daniel. Dans la tête. Oh. Merci beaucoup, t'es trop gentil. Daniel, non, dans la tête, oui. Daniel, tu faisais quoi dans la vie et qu'est-ce qui s'est. Raconte-nous un peu ton histoire. C'est une histoire particulière quand même. Avant l'histoire, ça va être très long. Ça va être au moins faire 4 ans. Ouais, essaye de nous le faire en 2 minutes, Daniel. Je suis né au Havre. Ouais. Mon père était de Kersoulepeur. Ça, c'est pas très utile. Et j'avais une petite sœur. Et donc, j'ai fait tous les métiers, quoi. Ouais. Voilà. Genre quoi? J'étais vendeuse de pommes de terre, de patates. Non, c'est vrai? C'est énorme. Vendeuse de pommes de terre? Ouais, vendeuse de patates, de poulet, de crème. Tu peux tout vendre? Ouais. T'es la meilleure vendeuse j'avais que j'ai jamais vue. J'avais 14 ans, hein, quand j'ai commencé à travailler. Ah ouais? Et putain, c'est incroyable. Et maintenant, j'en ai 64 et ça fait 64 ans que je travaille. D'accord. Et on peut dire que tu vis une belle histoire parce que tu vis presque une seconde vie là en ce moment avec Arthur qui est là, juste ici. Ouais, je vis une seconde jeunesse avec mon loulou qui s'appelle Arthur je suis très heureuse. Mais ça fait trop plaisir. Franchement, moi, nous on te suit depuis longtemps, on est fan, on te le dit, on est fan et c'est vraiment un vrai kiff. Daniel, tu nous as ramené un jeu, c'est ça? Tu nous as aussi fait un blind test, mais j'espère qu'il sera mieux que celui de Benz, qui a été la pire chose qui est passée sur énergie depuis. Il sera mieux, mais très dur aussi. Hein. Ah, très dur, pourquoi? C'est quoi comme type de blind test? C'est pas tout de suite. Hein. On va écouter un son avant. D'accord. Je vois que tu mets tes lunettes, mais c'est quoi? Explique-nous un petit peu le jeu. Putain, regarde pas. Ah merde, il faut que je regarde. Regarde pas, triche pas. Ok, je triche pas. Sofiane, il essaie de tricher. Sofiane, arrête. C'est un blind test avec des chansons de ton époque, c'est ça? De mon époque. Oh là. J'adore. Est-ce qu'on connaît un peu? Mais on va essayer. Tu sais quoi? Prends-nous un auditeur, Oli, toi qui as pris ma place et qui sait comment ça marche. Prends-nous un petit auditeur, il va, on va le prendre juste avant de passer le son, il jouera avec nous. Tu veux quoi? Tu veux répondre à une question? Mets-moi Kylian. Kylian, ok, il est juste là. Kylian, allô frérot? Ouais, mon Kylian, oui, ça va? Salut les gars, ça va? T'as vu que je gère, Flo? Salut Kylian. T'as quel âge, frérot? J'ai 22 ans. Ok, t'es le bienvenu. Tu vas jouer avec nous au jeu de Daniel, ok? Il a 22 ans et tu me demandes pas, mais il vient de Créteil, 9-4 la famille. Ouais. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. Merci beaucoup pour cette intervention. Frérot, tu vas rester avec nous. Je sais que tu as une question à nous poser, mais tu vas quand même jouer avec nous au jeu de Daniel. Ah ouais, ça fait plaisir, vas-y. Pour l'instant, on va se mettre un petit son. Si je vous dis Juliette, vous me dites Gréco. Armané. Non, un duo. Il y a Juliette et il y a Roméo. Voilà. Et si je vous dis un rocker Elvis. Ah ben ouais, c'est Roméo Elvis qui part de suite. En voilà une drôle de question. J'aurais pas passé des mois à te faire la course si j'avais d'autres femmes en tête. C'est toi ma raison d'être. Viens à la maison, babe, j'ai pris des résolutions. Lucien, yeah. En voilà une drôle de question. La nuit de rêve. J'aurais pas passé des mois à te faire la course si j'avais d'autres femmes en tête. C'est toi ma raison d'être. Viens à la maison, babe, j'ai pris des résolutions. Je veux que tu glisses sur le sol. Je veux qu'on s'épuise sur le divan. Je veux que tu passes un disque de Queen. Je veux du soleil. Je veux aller voir entre les cuisses dans le silence. Je veux que tu saches que j'ai la trique, je suis au sommet. Tu vas devoir éteindre ma... C'est ton problème. Bébé, je suis toujours un romantique. T'es la seule femme dans ma vie. Les autres, c'était des faux, c'était des moches. Mais toi, t'es trop belle. Tu m'as suivi à la maison. J'ai endormi tous tes soupçons dans une armoire montée par mes propres phrases. C'est toi ma raison d'être. J'en ai plus dans la tête, au problème sa solution. J'ai la weed, oublie la pression. Après le double, il faut pas stresser. Chérie, tu me regardes comme si un jour j'allais te blesser. Ça m'empêche d'avoir la trique qu'il faut pour qu'on puisse baiser comme des tortues. Je veux que tu glisses sur le sol. Je veux qu'on s'épuie sur le divan. Je veux que tu passes un disque de Queen. Je veux du soleil. Je veux aller voir entre les cuisses dans le silence. Je veux envoyer la dynamite sur tes problèmes. Récolter le fruit de notre nuit loin du sommeil. Bébé, je suis toujours un romantique. Quand je parlais à d'autres filles, c'était simplement pour leur dire à quel point c'est toi la plus belle. En voilà une drôle de question. Je te jure, c'est toi la plus belle. En voilà une drôle de question. Ah vraiment, quand je t'embrasse, c'est comme une sorte de dauphin sophistiqué. Corps contre corps, lèvres contre lèvres. Chérie, c'est la seule façon qui marche pour coller. T'aimais déjà au collège, l'amour au travail c'est nul. Mais toi t'étais pas une collègue. Et si c'est pas toi, ben c'est pas toi et c'est pas une autre. Promis, pour toi j'abandonnerai le trône, peut-être le chromie. Mais avant faut que tu me dises je t'aime. Il faut que ça sorte de ta bouche comme dans un film de merde. Les filles d'avant c'était des lobes, ça arrive de se tromper mais je serai fidèle. On est d'accord pour ce manège. Je te donne le love que tu mérites même si tu me rends le dixième. J'ai tout noté sur un carnet. En voilà une drôle de question. Une drôle de question. En voilà une drôle de question. En voilà une drôle de question. En voilà une drôle de question. Une drôle de question. Roméo Elvis. Ah, ça fait trop plaisir ça. La petite guitare comme ça. C'est la nuit de rêve. T'as été un peu choqué par les paroles, Daniel. Histoire de la tortue, tout ça. Attends, elle bosse son jeu là, les gars. Laissez-la bosser, s'il vous plaît. C'est ma Daniel, c'est la reine ce soir. Est-ce qu'on a toujours Kylian Ouais, il y a toujours Kylian qui est avec nous là, il est en direct. Appuie dessus pour qu'on l'entende. T'inquiète, c'est ce que je suis en train de faire, mon frérot. Il est avec nous là. Ça va, Kylian? Oui, ça va toujours. Parfait, mon frérot. Il essaie de me faire perdre la place, mais tout va bien. Non, ok, t'inquiète. On est ensemble. Je vais la récupérer, ma place. T'inquiète pas. Frérot, c'est parti. Daniel, premier. Du coup, c'est un blind test, c'est ça? C'est un blind test, oui. Premier morceau. C'est un quoi, Daniel? C'est quoi le jeu? Le jeu, on appelle ça un A Black West. A Black Test. Pardon. Un Black West. Un Blind Test. Blind, voilà. ça veut dire. Ça veut dire quoi, blind? La tête. Yes. Voilà. Oh. C'est la tête test, le test de la tête. Allez, alors, allez, je vais vous faire écouter des chansons de mon époque. Okay. Ok. Pour voir si vous allez bien. Voilà, si on les connaît. Si vous les connaissez bien. Ok. Ah, d'accord. Je t'adore. Première Daniel. Chanson. J'aime les filles. Ça c'est Souchon. Non, pas du tout. Non, pas du tout Souchon, non. Dutronc. Très Jacques, bien. Jacques Dutronc. Putain, Jacques il a gagné. Ben, si tu comptabilises les points, s'il te plaît, un point pour Flo. On peut pas jouer, nous. Si tu joues, attends, toi aussi. Dans ce temps-là, quoi. Et dans ce temps-là, nous, on draguait hein, là-dessus. Hein. Ouh là là, c'est Daniel. Ah oh, bah tiens. Oui. Et tu allais voir les garçons, tu leur dis j'aime les filles. En plus, j'étais jolie en plus. Vas-y, chante-la moi un petit peu, Daniel, avec ta belle j'aime voix. J'aime les filles. Oh, magnifique. J'aime les filles. Vous êtes toujours sur énergie. Hein, en tout cas, en tout cas, c'était une bonne réponse. Alors, deuxième chanson. Tous les garçons et les filles de mon âge. Ah putain, je connais cette chanson. Moi, moi je sais, je pense savoir. Ah oh, putain, je vais te dire la merde. France Gall, non. Non. L'autre. Gréco. Ah, je tiens à dire que Mika, il m'a regardé, il m'a fait ouais. Il faisait la tête comme ça, il était con. Et la main. Allez, Benz, c'est toi le plus vieux de nous là. François Hardy. François Hardy. Ah, très bien, Bilo. Très bien, les gars. Très bien, pardon, tu m'as appelé comment? Bilio. Très bien, Bilio. Non, c'est Big Daniel, Flo. Tu me connais quand même. Mais merde. Oui, mais j'arrive pas. C'est Big Flo. Elle est concentrée. Big Flo est concentré. Deux points pour Oli. Oli. Juste, ouais. Kylian, t'es toujours avec nous? Ouais, toujours. Alors, une chanson que j'ai bien. Ah, tu les avais, Kylian, ou pas? Non, pas du tout. Ouais, c'est dur. Papa, demande à ta maman parce qu'elle doit connaître. Doucement. Yes, I. Alors, la troisième, j'adore. Je suis Rita et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Regardez, si vous n'avez pas la tête de Daniel là. Mais... Ah, c'est pas le. C'est un nom italien, c'est sûr. Ah ouais. C'est. Rita, les jeunes. Le reste. Comment il s'appelle? Claude Barzotti. Claude Barzotti, c'est moi. Très bien! Super! Bravo Ben, yes. Bravo Ben. Explosion, mets-moi de l'explosion. Mais avec plaisir, la famille. Alors... Mets-moi la sirène de la croûte, s'il te plaît. Avec plaisir, la famille, on est ensemble. Alors, la quatrième. Pardon. On est doucement. La quatrième chanson, ça m'étonnerait que vous trouviez. Ah, vas-y. Attends, juste un petit point sur les points, c'est un mauvais jeu de mots. Deux de Flo, ouais. Un de Benz. Un de Benz, ok. Pour zéro pour voilà. Kylian qui est avec nous au téléphone. De... T'en as combien en tout? J'en ai 14. Allez, on continue. Ah, parce que là. Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt. Je l'ai. C'est Michel Delpech. Très bien. Écoutez-moi bien. Je pense que c'est la triche. Écoutez-moi bien. T'as triché avec c'est qui? C'est sûr. Frère, non. C'est Michel Delpech. T'as triché avec qui? Ouais. Mais avec personne. Allez, les gars. Une autre. C'est parti. Alors. C'est France Gall. France Gall. Ah, attends, il y a Kylian qui a dit ah. France Gall. C'est ouais. Pas France Gall? Si. Bah dites-nous, bonne réponse. Mais c'est qui est-ce qui l'a dit en premier? C'est Kylian. Mets-moi un point pour Kylian. Bravo mon Kylian. Daniel, il faut que tu nous dises quand c'est bon. Tu nous dis ah ouais ouais. Ah ouais, ça ouais. Va, c'est très bien. Yes, Daniel, t'es trop fort. Ah ouais. Sofiane, on est d'accord que tu chies sur la chanson française. Non, mais c'est pas ça. Je connais pas. Je connais la musique, mais je serais incapable de dire l'artiste ou le titre. Oui, c'est ça. Elle est pour toi celle-là. Elle est pour moi celle-là. Non. Claude François, bien joué. Allez vite là. Ça va très vite, on peut continuer. Un point en plus pour Benz. Alors, Eddie Mitchell. Johnny, c'était l'autre. Kylian, c'était Eddie Mitchell, ouais. Eddie Mitchell. Yes, I. Dalida. Mireille Farmer. Pas du tout, les gars. Mais. Eve, lève-toi. Dalida. Très jolie femme. Pas du tout, Dalida. Julie Zenati. Non. Julie. Allez. T'as son prénom, Daniel. Daniel, t'as son prénom ou pas? Et tu triches. Non, Daniel, donne la réponse. Son prénom juste, Daniel. Nul, le prénom. Julie. Donne-nous la réponse, Daniel. Pietri. Julie Pietri. Magnifique. Jamais entendu parler. Julie Pietri, les gars. Elle travaille dans une boulangerie, elle piétrit le pain. C'est un bordel, là, ce jeu. Ça part en couille. Mais parce que Daniel, elle est chère. C'est facile, ça. Émile Image. Ah ouais. Émile Image. Oh super! Eh, Emily Image. La dixième! Petite fois, s'il vous plaît. Émile et Image qui sont de. Ils sont de Toulouse. De Toulouse, frère. Mario et de Toulouse. Oui, ouais. tu notes les points là ? Je note les points. Alors la dixième. Ouais. La dixième. Balavoine. Vous savez quoi, je rajoute un joueur avec nous, il s'appelle Francesco, il a 38 ans, donc il serait peut-être un peu plus fort que Kylian. Salut Francesco. T'es avec nous Francesco, ça va ? Ça va, très bien. J'ai trouvé presque tous. Tu es de quelle origine mon frérot ? C'est italien. Ah, italien. J'adore les Italiens. De quelle ville ? De Napoli. Oh, si. Les amis. Hey, Francesco, buonasera, come vai ? Bene, ah, bene. E voi come andate? Tutto bene, tutto bene. Grazie. Spaghetti pizza, hein? Brésilien. Tutto bene. Ça fait 12 ans que je suis en France. Franchement, tu parles très bien français. Spaghetti pizza Ferrero Rocher. Oh non, Oli. Ça c'est cliché. Ouais, ça va les gars, ça va. Daniel, la suite. Oui, alors la suite. La maladie. Serge Lama. Non, il a dit Michel Sardou. Michel Sardou, il a raison. C'est qui? C'est Francesco ou Kylian qui a répondu là? Non, oui, Sardou. C'est Kylian. Ah, c'est Kylian. Kylian, apparemment, il a gagné. Non, c'est qui a dit premier? Francesco, calme-toi. Je connais les tempéraments des Italiens. J'adore les Italiens, moi. Ah, dis donc. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Jacques Brel, c'est moi. Alors, c'est Oli. Ça, c'est un point pour tout le monde, ça. Ouais, allez, un point pour tout le monde. Un point pour tout le monde, ou zéro point, c'est mieux. Il en reste deux, alors attention. Un pour tout le monde. Après Mika, tu nous fais un petit récap des points, s'il te plaît. Allez-y. On y va. Waouh. Kylian, mais c'est Kylian, ça. Oui. Kylian, 22 ans de Créteil, il est chaud. Mets-moi des applaudissements pour Avec plaisir, frérot. Très bien. Bravo, tu sais quoi, moi je draguais dans ce temps-là avec ces chansons-là. Silence avant la dernière. D'ailleurs, Daniel, on va prendre des gens au téléphone en fin d'émission. Ouais. Ils nous poseront leurs problèmes dans la vie et tu leur donneras des conseils de vie. Les amis, ok. Attention, c'est la dernière. Des réponses. Un point sur les scores, Daniel. Regarde-lui là. Jacques Brassens, je l'ai dit juste avant. Ouais. Les gars, vous l'avez pas entendu, mais c'est Francesco qui l'a dit, je vous jure. Merci, que c'est vrai. C'est bien, Francesco, c'est très bien. Jacques Brassens. C'est son fils. Alors, s'il te plaît, Mika. C'est toi qui vas annoncer les résultats de ce grand jeu organisé par Christophe, parce que je n'ai absolument pas suivi. Daniel, attention, c'est le résultat. Le grand champion, bien sûr, c'est Sofiane avec. Yes. 0. Non, 0. 0. T'as pas répondu, c'est la même à celle-là. 0-0. Ensuite, Francesco avec 1, Oli avec 2, Kylian avec 4. Putain. Égalité avec Flo. Et DJ Ben. Merci. Numéro 20 avec 5 bonnes réponses. Merci. Les amis. J'ai pris le temps quand j'appuie là. Bravo, Francesco. Et tu sais quoi, merci à vous deux, Kylian et Francesco. Merci beaucoup d'avoir appelé, d'avoir joué avec nous. Et vous savez quoi ? Merci, j'ai une question. Ouais, t'as une question, frérot, je t'écoute, Kylian. Oui, c'est une question pour vous. Je voudrais savoir avec quel chanteur américain où je voudrais faire un titre. Mais tu sais quoi, je sais que c'est un peu un rêve et c'est ça arrivera jamais. Mais on adorait faire un truc avec Eminem pour te répondre. Voilà. Eminem. C'est un de nos artistes préférés, tout simplement. Les gars, merci d'avoir appelé. Je vous fais de gros bisous. Et vous savez quoi ? Merci, les gars. Je peux passer un message. Francesco, vas-y. Francesco, calmate. Que passa ? Je peux passer un message aussi. Avec plaisir, mon frérot. Merci. Un gros bisou à mon fils Zayan. Et un gros bisou à ma femme Francesca. Ah, c'est mignon. Francesco et Francesca, c'est magnifique. Ouais, Francesca. On te fait un gros bisou. Et vous savez quoi ? On vous envoie un album chacun, la version livre CD pour vous deux là, les frérots. Les amis, on prend vos contacts. Merci. Vous savez quoi ? Il y a encore plein de surprises qui arrivent. Je crois qu'on va s'écouter une petite musique pour se faire plaisir, tout simplement, tranquillou. On s'écoute quoi, frérot ? Est-ce qu'après on a un invité mystère ou pas ? Alors après, on a un invité mystère normalement, ouais, bien sûr, avec plaisir, je t'ai tout préparé, mon frérot. Juste avant l'invité mystère, aussi, n'hésitez pas, Oli, est-ce que tu peux rappeler le numéro ? Il est juste devant toi, pour nous appeler, soit pour nous raconter un des malaises que vous avez vécu, soit pour poser des questions sur la vie. Si vous avez un problème de couple, un problème, quel qu'il soit, on est là pour vous répondre. Vous inquiétez pas, Daniel. Les amis, tout ira bien, tout sera all right ce soir. C'était un petit jeu de mots, bon voilà, merde. Le numéro. C'était pas ma vanne, faut tout oublier. Pardon. Le numéro, il est très simple, c'est 0800 70 42 48. Et Flo, t'es un gros rageux parce que mes vannes, elles sont drôles. Mettez-vous bien, montez le son, il y a un invité mystère qui arrive. Gros bisous à Kylian Francesco, on est toujours dans la nuit de rêve. Il y a tout le monde ce soir à balancer le son là-bas. Oui. I see you walking with a hippie dance. You give me butterflies. You feel like paradise. Il y a ça, ils sont pas prêts, voilà. Nickel. Les amis, ça fait trop plaisir. N'oubliez pas que c'est tout de suite l'émission, c'est pas plus tard. Hein. Tu comprendras plus tard. Wow. Voilà, il va faire que des jeux de mots. Voilà, mélancolie à le pack. Mais frère, voilà. t'es jaloux ou quoi? Chérie, tu es jolie avec un corps. Jaloux, Dadju. Ah oui, jaloux, non, jaloux de Dadju, d'accord. Oh là là. T'as pu mettre le refrain. Quoi. Benz, tu dois partir bientôt parce que tu mixes en club, toi, oui, ce soir. Tout à fait, je mixe à Saint-Lô. Ouais. Est-ce que tu peux rester avec nous pour le début de ce qui arrive parce qu'on a un deuxième invité mystère? Écoute, j'ai déjà 4 minutes de retard, tu seras responsable de mon retard. Au Milton à Saint-Lô. Où ça? Au Milton à Saint-Lô. Voilà, bah, pour ceux qui sont... Oh, très bien placé. Merci pour beaucoup. Pour ceux qui sont au Milton à Saint-Lô ce soir, voilà, sachez que si Ben c'est un peu en retard, c'est à cause de nous. De Big Flo. Oui. Et vous savez ce quoi, Ben, ce soir, vous savez quoi? Oh là, il va offrir 100 verres ce soir au Milton à Saint-Lô. Payé par Big Flo et Oli? Non, payé par toi, Ben. Vrai ou faux? Ah, on applaudit ça. On applaudit ça. Ça fait trop plaisir. Les 100 premiers verres. Nickel. Il est dégoûté. Bon les gars, on a un invité mystère qui est avec nous en ligne. Normalement, si j'appuie, il va devenir rouge, donc vous allez l'entendre. Vous connaissez le concept, c'est des questions, il répond oui ou non. Et vous devez devenir attention. Allô, allô, il y a quelqu'un? Non. Oh là là, déjà, c'est un humoriste. C'est un humoriste. Il commence. Non mais frère, t'as triché ou quoi? Pose une question. Ben pose non, une question. Une blague. Repose la question, Benz. Est-ce que tu es un humoriste? Oui. Bah oui, il a fait une blague dès qu'on a. Putain, il est fort, frérot, t'as une voix, je te jure, ça fait peur. On dirait les mecs qui, tu sais, qui dans l'enquête exclusive, qui dit il est arrivé par derrière et. Daniel, t'as une question? Bah, est-ce que t'es magicien? On a dit qu'il. Mais qu'est-ce qu'il non. Daniel, on vient de dire qu'il. Non, mais il y a Eric Antoine qui est humoriste magicien, les gars. Oh ah, oui, respectez Daniel. Un peu. Ah ouais. Attends, pardon Daniel, excuse-moi. Sofiane, participe un peu. Ok. Vache. Yes, I. Les mecs, vous avez toutes les questions de la Terre disponibles. Ouais, c'est incroyable, il est humoriste alors. Bah, alors moi, je pense à Jamel parce que c'est. Bah oui, oui, moi j'ai pas des questions. Jamel, est-ce que c'est toi, Jamel? Non. Voilà, yes, I. Merci. Oh non, il est bien plus drôle, les amis. Non, je rigole, les gars. Les amis, donc on a des gens avec nous dans le studio, je vous explique ce qui se passe. On a des gens qui sont censés animer l'émission. Ils ouais, nous parlent frérot. Mais non, mais mec, on est déjà plus chers. J'ai une question. Oui, c'est la pire team, t'entends. J'ai une question. Est-ce que tu fais de l'humour de scène ou de l'humour plutôt sur les réseaux, sur YouTube, voilà, etc.? Non. Ça répond pas du tout à ma question. Bah ouais, tu peux répondre par autre chose, frérot. Tu peux répondre par autre chose. Tu fais de l'humour sur les réseaux ou sur scène? Sur scène. Sur scène, d'accord. Ah. Il est même, je vais vous donner un petit indice, il est même en tournée actuellement. Ah. Donc là, vous allez dans les humoristes qui sont potes avec nous. Il y en a trois, max. Allez, des questions. Des questions, non, des questions, s'il vous plaît. Moi, j'ai une idée, mais je suis vas-y, pas. Vas-y. Je peux dire mon idée? Oui, vas-y. Je dirais Gad Elmaleh. Non. Non. Wow. Ah. Posez des questions, les gars. Posez des putains de questions. Est-ce que t'es dans un film, là, récent? Non. Ah, ils vont dire tout le monde, les enculés. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, oui. Oui. Oui, frérot, attends, le je mec sais, est... Je sais, je sais. C'est bon, je sais, on a passé les trois. Voilà. Mon ami, est-ce que tu étais présent à mon anniversaire dans une discothèque du sud de la France? Non, j'étais pas invité, enculé. Non, c'est DJ Ben, c'est DJ Ben qui te parle. Ah, DJ Ben, ben oui. Alors, ben, alors, monsieur Malik Bentala. Ah, ça fait plaisir. Enfin, ils l'ont trouvé, quoi. Ça va, mon Malik, mon frérot? Hey, vous avez failli faire Pompec avant tout ça, c'est quand même. Frérot, ça fait trop plaisir de t'entendre. T'es où là? Écoute, je rentre de Dunkerque. J'étais à Dunkerque, il faisait 40 degrés. T'es où? Il y avait des dauphins. Est-ce que tu es chevalier Las Palès? Ils ont tous. Mais en plus, Benz, t'as fait une soirée avec lui. Oui, en plus. Il était à mon anniversaire à Montpellier. Bah, c'est un super ami à toi. Tu vois qui c'est? Tu vois qui c'est, Malik Bentala? Non, pas du tout. Il joue dans Taxi. Tu vois pas qui c'est? Il a pas fait avec l'Algérino, non? Si, c'est ça. Et Bengouze. Ouais, exactement. Alors Bengouze, je t'embrasse, c'est ta copine Danielle. C'est pas Bengouze. Et l'Algérino, je t'embrasse aussi. Ce n'est pas Bengouze. C'est qui? C'est Geneviève de Fontenay, c'est qui? J'en peux plus, frère, je te jure. J'adore. Geneviève. Ah. Frérot, en tout cas, je te dis, ce soir, c'est le bordel. On est dans notre émission, en fait, sur Énergie, là. C'est vrai, c'est la cour des miracles. DJ Ben, tu m'as passé Daniel, je sais pas qui c'est. Eh ben, Bengouze, il sait qui c'est, Daniel. Non, Daniel, elle est avec nous ce soir, elle fait partie de l'équipe. C'est une amie à nous, une amie. 64 ans. Qui a 64 ans. Et qui. T'embrasse très fort, Daniel. Qui est connu sur les réseaux. Très fort. Et moi, je tiens à dire que. Tu la suis sur Twitter, Daniel. C'est Studio Daniel, tu sais, c'est la dame. Ah, mais c'est Studio Daniel. Mais voilà. Et Malik, je tiens à dire un truc. C'est pas parce qu'on est en émission, mais nous, on a vu ton spectacle au tout début, là. On l'a vu à l'Olympia quand tu le lançais. Et c'est une tuerie, donc je voulais t'embrasser pour ça, frère. Est-ce qu'il reste des places quelque part, Malik, ou tout est complet? Il a percé. Écoute, franchement, grâce au public, c'est complet partout, mais il restera des places, on va remettre des dates. Okay, magnifique, frérot. On peut dire, on te fait des bisous, Malik. Écoute, je vous embrasse très fort, bravo pour l'album, vraiment, et je le tue dans le tourbus. Bravo, bravo, bravo, vive. Merci, mon gars. Et vive Daniel. Et merci, vive frérot. Et pour le virement, du coup, je t'envoie un texto pour le virement. Merci, frérot. Bisous, bisous. Je vous embrasse, les gars, bisous. Merci. Bisous, la famille, on peut l'applaudir. J'ai envie de vous dire un truc. Malik Bentala, quand même. La classe. Malik Bentala, il a tellement percé, il est plus sur Terre, il est sur la Lune. Ça tombe bien parce que c'est le titre du prochain morceau qu'on s'écoute. C'est notre propre chanson qui a extrait de l'album, qui sera sûrement peut-être le prochain single. Qui et ouais, grave. Il s'appelle Sur la Lune. Merci à tous pour les messages. C'est la nuit de rêve et ça continue en direct sur Énergie. Un jour j'irai. T'es peur. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Mettez-vous bien. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient impossible. Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je rattrape pas le temps qui passe. Un jour je serai père, j'aurai un fils à élever. Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes. Quand le monde est immobile, pourquoi c'est moi qui tremble? Un jour je serai mieux, je sais. Je le serai un jour. Tu peux pas quitter la terre. Tu peux juste en faire le tour. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai fou. J'aurais fait le tour de la terre. J'aurais rayé chaque ligne de la grande liste de mes rêves. Un jour je serai moi. J'aurais assumé toutes mes fautes. Je sais je suis différent, donc au final je suis comme les autres. Un jour je serai sage. J'aurais fini de faire le con. J'irai voir mes ennemis pour tous leur demander pardon. Un jour je serai mort, j'aurai fait le tour de mon âge. Une plaque avec mon nom, une place dans les nuages. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai moi-même, j'aurai trouvé le sourire. J'aurai réglé mes problèmes, j'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour je serai moi-même, j'aurai trouvé le sourire. J'aurai réglé mes problèmes, j'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Et ça devient possible en direct sur Énergie, parce que c'est la nuit de rêve, c'est la nuit de tous les possibles. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel ? Daniel, ouvre ton micro. Voilà. Qu'est-ce c'est bon, qu'il y a ? C'est bon, c'est bon. Moi, j'adore vos chansons parce que c'est vraiment très doux. Mais c'est adorable, Daniel. On n'a pas trop de temps, juste. Ah, on a le temps de remercier, de dire au revoir et de faire un gros big up à notre grand frère, notre frérot de cœur, vraiment DJ Benz. Je voudrais qu'on l'embrasse et qu'on l'applaudisse tous, s'il vous plaît. Ah, voilà. Merci, frérot. Bravo. Benz, n'hésitez pas. C'est quoi ton Insta ? Ouais. Mon Insta, DJ Benz. DJBENS. Allez voilà. Le suivre sur Insta, sur Snapchat, sur Facebook et surtout partout en France. Il est tous les soirs, yes. Quasiment dans tous les clubs de France. Là, par exemple, il file direct en Saint-Lô. Il s'est en Normandie, merci dans, à tous. Dans la Manche. On n'a pas compris ce que t'as dit. Ouais, il fait son direct en Saint-Lô. En tout cas, je voulais vous remercier. Merci beaucoup, les gars, pour l'invitation. C'était super lourd. Et merci, voilà, frérot. Je vous souhaite une bonne fin d'émission, les gars. Et bonne route. On va lire tes tweets là sur la route. Lourd. Gros bisous, DJ Benz. On envoie tout de suite la pub. Ouais, envoyez la pub, la famille. Oh, on est toujours sur Énergie. 21h minuit. La nuit de rêve. Passez votre samedi soir avec Big Flo et Oli sur Énergie. La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack, Trois Cafés Gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Away from you, but the first time in your life you loved so much, you. soir. 21h minuit. Ah, ça fait plaisir. L'émission spéciale de Big Flo et Oli. Bon, amis, la famille, dites-nous comment vous nous trouvez sur les réseaux. Est-ce que ça passe ou est-ce que c'est vraiment trop amateur comme émission? Flo, tu me fais un petit débrief en live? Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a des moments où on sent que ça flotte un petit peu, mais c'est normal, c'est notre toute première émission. On appellera Koé pour qu'il nous fasse aussi un petit débrief. Ouais, on va l'appeler bientôt. Il nous reste que 40 minutes ensemble, les amis. Déjà, Sophie. Ouais, ça passe ultra vite. Et c'est moi, j'ai même pas fini tous mes trucs du tournoi. Il faut que je parle plus. C'est vrai que Flo, tu m'as dit que je parlais pas assez. Et les gens sur Twitter disaient que je parlais pas assez. Ça fait plaisir, en fait, de t'entendre. Je te laisse une petite minute, là. Tu peux parler. Ayam ou Cynic? Allez, Ayam. Ayam? Tu valides, Flo? Vite. Ayam, Busta Rhymes ou Drake? Drake pour moi, sans hésiter. Putain, Ayam, comment on fait? Non, là c'est Busta Rhymes ou Drake. Ah ok, j'ai entendu Ayam, Busta Rhymes ou Drake. Non, c'est Busta Rhymes vs Drake. Ok. Lequel tu préfères? Celui que tu emporterais sur une île déserte? Busta? Moi Busta. Et toi tu dis quoi, Flo? Drake. Mais on peut pas demander à Daniel, il sait même pas qui c'est les deux. Ah bah non, c'est pas. Frère, Drake. Drake, 1, 2, 3, Drake, allez. Allez, Drake. Drake, c'est validé? Ok, j'en fais un petit dernier, on passe à la suite. Ouais, c'est bon. Kanye West ou Youssoupha? Youssoupha, parce Youssoupha. On préfère le rap français quand même. Youssoupha, on préfère quand même pas mal le rap français. Ok. Mais, tu nous en gardes quelques-uns pour la suite du tournoi. Non, y a pas de soucis, les amis, on vous a dit de nous. Un petit son d'ambiance, ça fait plaisir. On vous a dit de nous appeler. On entend plus Flo là. Ah merde. Calme-toi avec les boutons. On vous a dit, les amis, de nous appeler pour nous parler de problèmes. N'hésitez pas à nous appeler, on est là pour vous aider. Mais d'abord, on a un dernier malaise. Ouais, on a un dernier malaise, elle s'appelle Morgane. Elle vient de Tours, on avait fait un super concert à Tours. J'en profite pour me faire un peu le beau. On y retournera, on fera un petit tour à Tours encore une fois. Bonne blague. Elle a 21 ans et apparemment, elle a raconté une histoire et c'est chaud. Voilà, on écoute. Ça va, Morgane? Oui, ça va, nickel, et vous? Ça va, ça fait plaisir. T'as une super voix de radio aussi, ça passe super bien. Merci, je suis animatrice. Comment t'as vu comment je suis fort, Flo? T'es trop fort. Comment on appelle les habitants de Tours? Les Tourangeaux, merci. Les Tourangeaux, c'est ça, ouais. Oh, tu vois que je suis fort. Tu l'avais, celui-là, il fallait le savoir. T'as vu que j'ai dit, qu'elle avait une super voix de radio, elle m'a dit qu'elle était animatrice. T'es animatrice radio? Non, je suis animatrice village vacances. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle est super voix. Ouais, on peut dire que c'est pas pareil. On peut dire que je suis un peu mentaliste. Alors, c'est quoi ton problème? On t'écoute, Morgane. Justement, en fait, c'était pendant ma saison cet été. J'avais un collègue qui était un peu chaud, voilà, avec les filles. Ah, il était chaud lapin. Ouais, chaud lapin. En plus, il vient de Toulouse. Ça n'a rien à voir. Et je sais pas, j'ai pas été à Toulouse encore. Et du coup, il a ramené des vacancières chez lui. Et du coup, on a entendu pas mal de trucs. Ouais. Et puis, il me l'a raconté vite fait. Et le lendemain, je faisais une animation. Donc, je suis restée en régie et j'ai annoncé aux vacanciers. Il y avait genre 200-300 personnes. J'ai annoncé l'animation et il y a ma collègue qui rentre en régie et du coup je lui raconte la soirée de mon collègue, je rentre un peu dans les détails en rigolant et tout. J'ai pas encore moi. Ouais, tu vois, ouais, c'est ça. Et en fait, j'arrive sur la scène et je vois mon collègue qui me fait des signes au fond avec son doigt en mode il va me tuer, j'avais pas éteint le micro. Donc ça veut dire que t'as en plus, l'endroit qui a attendu, tout le monde a entendu? Ouais, tout le monde a entendu ce que j'ai dit à un collègue. Il y avait mon collègue dans le public. J'ai prononcé son prénom. Mais tu disais quoi, genre? Et il y avait la fameuse fille qui était... Oh bah, je vais pas dire à la radio. Il y a beaucoup de jeunes dans vos fans. Dis-le et tu remplaces tous les noms un peu chauds par des noms de légumes. Vas-y. C'est un exercice. Alors, non, je peux pas. C'est à ce point-là. Mais genre, t'as été vulgaire et tout. Genre, tu disais des mots hardcore et tout. Bah ouais, j'ai pas mal charrié la vacancière quoi. Puis imagine la tête de Tata Maryse dans la piscine là, comme ça. Une dame qui était là tranquille et qui entend ça dans tous les haut-parleurs du truc. Moi j'ai une question, Flo. Ouais. Morgane, comment tu t'en es sortie? Tu t'es excusée? T'as blagué sur ça? J'ai fait comme si c'était rien passé. C'est totalement esquivé, gros, en solitude. C'est la pire technique. Personne t'en a parlé, genre juste après? De quoi? Personne t'en a parlé juste après? Ah si, carrément. En plus j'étais la responsable du club enfant. Alors il y avait tous les parents qui sont venus me voir. Moi je leur ai dit que voilà, quand j'étais en off, c'est une histoire comme une professionnelle. Les gars, quoi. C'est un gros beat, c'est un gros malaise. Mais moi j'applaudis Morgane quand même. Je sais pas pourquoi on applaudit, mais c'est une histoire de ouf. Moi, on pense que c'est que dans les films, ça, le coup du micro qu'on laisse allumer, mais ça arrive dans la vie. Ouais, ça arrive. C'est une belle histoire, tu nous as régalé, on te fait de gros bisous. Est-ce que tu veux passer une petite dédicace, un petit truc? Non, je voulais juste vous demander On t'écoute. Si vous étiez capable, par exemple, je sais que Flo il écrit ses propres couplets, qu'Oli t'écrit tes propres couplets. Ouais. Est-ce que vous pouviez échanger en fait? Est-ce que Oli peut chanter sur du Flo et Flo peut chanter sur du Flo? C'est une bonne question. On m'a jamais posé cette question. Normalement, moi je crois que je connais tous tes couplets par cœur, Oli. Hein. Mais est-ce que tu peux échanger de place un peu dans le processus de création? C'est ça que. Il a dit processus de création. Non, genre est-ce que tu te vois rapper devant sur tout le monde un texte que j'ai écrit? C'est dur quand même. Ah, je sais pas. Ouais, moi je préfère rapper des textes que j'ai écrits moi-même, quoi. Un texte, c'est comme des sous-vêtements, ça se prête pas, tout simplement. Ok. On te fait des bisous, on te fait des bisous. Bisous Morgane. À très vite. Bisous la famille, ciao ciao. Alors, moi je vous ai demandé parce qu'on a quand même une personne ici qui est un peu la sagesse incarnée, hein, qui s'appelle Daniel. Oh. Et j'ai envie d'aider, j'ai envie qu'on transmette le savoir à ces petits jeunes cons là. Tous ces petits cons qui arrivent dans la vie et ils savent pas quoi faire avec leur vie. Hein, Daniel, tu vois ces petits jeunes, tu en vois tous les jours. Oui, j'en vois tous les jours, mais il faut que... Comment là, que tu te concentres pour leur donner des beaux conseils. Voilà, on va leur donner des conseils. Vous on savez quoi? C'est le moment Maître Daniel. Maître Daniel, on va prendre une personne au téléphone. Et aussi, vous pouvez appeler, je rappelle, au 0870 42 48 si vous avez des questions à poser à Daniel. Attention, on va prendre Julie, 14 ans de Dijon. Ça va, Julie? Oui. Alors, coupe le son pour l'instant. Ouais, je te coupe le son, avec plaisir. C'est Julie, c'est ça? Ouais, oui. C'est Julie, Dijon. T'as une question à poser à Maître Daniel, elle va t'aider. Elle va donner toute son expérience. Exactement, j'avais une question. C'est comment ne plus être jalouse de ses potes? Alors pourquoi, ne plus être jalouse de ses potes? Pourquoi tu dis que t'es parce que t'es jalouse de tes potes? Niveau un peu tout, en fait. Quoi? Tu es très jalouse de tes copains qui ont des copines et toi, t'en as pas, non? Non, attends, Julie, dis-nous exactement de quoi t'es jalouse en fait. Ouais, je comprends pas. Précise un tout petit peu. Qu'elles ont des copains. Voilà, t'es jalouse de ça. Et toi, tu n'as pas de copains? Non. Est-ce que tu te trouves moins bien que tes amis? Oui. Ah, bah, il faut surtout pas. Il faut rester tel que tu es. Maître Daniel. Non, mais c'est vrai, hein. Elle a raison. Pour moi, tu es une petite jeune fille parfaite. Oh là là, Daniel. Ne change pas. Je suis d'accord. Il faut pas envier les autres. T'as raison de vivre, quoi. Parce que tu dois être jolie quand même. Oh là là. Hein? Écoute, Julie, moi, je vais te dire la vérité. Pour ce genre de choses, il faut pas être jaloux, il faut croire en soi et tout. Moi, voilà. Pour te dire, j'ai pas chopé de meuf jusqu'à mes, je crois, 17 ans et demi. Et j'ai jamais eu de copine jusqu'à mes 17 ans et demi. Pas une fille, pas une amoureuse, rien du tout. Quel enfoiré. Pardon, frère, j'ai gâché. Pardon. Et donc, vraiment, j'avais pas de et pareil, t'as quel âge là exactement déjà? 14 ans. Voilà, mais à ton âge, tu rentres dans la vie là. À ton âge, je me disais, oh là là, mais tous mes potes, ils ont des meufs et tout. Je suis vraiment nul, je suis différent, je dois avoir un problème et tout. Non, c'est juste que chacun avance à son rythme dans la vie. Voilà. C'est beau. Et voilà. Mais donc, en tout cas, il faut pas que tu envies les autres. C'est pas non, bien. Non. Je suis très bien comme tu es. Laisse la vie faire. Pense à Maître Daniel et on te fait des gros bisous. Voilà. Vraiment. Bisous. Merci beaucoup. Bisous, ma Julie. Reste tel que tu es. Bisous, j'embrasse. Est-ce que tu veux faire encore travailler Maître Daniel ou pas? Oui, on va appeler quelqu'un. On va appeler quelqu'un. Vas-y, prends le. Je prends Romane, par exemple. Romane, 16 ans. Elle est de Bordeaux, dans le 33. Allô? Bordelaise. Bonjour, Romane. Ça va, Romane? Il faut dire bonjour. Ah, voilà. Tu as le même prénom que ma petite fille qui a 2 ans. On a compris, Daniel. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Écoute. Ah oui. Écoute, avant qu'on s'écoute un son, dis-nous juste le thème de ton problème. C'est l'homosexualité. Ah, d'accord, bon, on va en parler. Juste, n'hésitez pas à nous appeler au 0870 42 48, les amis. En attendant, on va se mettre. C'est quand même samedi soir, merde. C'est samedi soir, on va se mettre un petit DJ Snake. Ah ouais, mettez-vous bien, la famille. En direct sur Energy, Big Flo Oli, la nuit de rêve. C'est parti. Taki taki, taki taki, tienes un besito. Kawasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le baje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Oh oh oh oh. I am music, I flows. Bye bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said we should have a date. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you need a taste. And now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the mall, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Les amis, c'est toujours Big Flo et Oli. Ça fait bientôt deux heures et non, ça fait deux heures et demie qu'on anime cette émission. C'est notre toute première émission solo. C'est-à-dire, il y a personne pour nous aider. On est tout seul. Et je vais vous lire un message de ma mère qui m'a dit : j'écoute l'émission. Ce n'est pas facile, mais c'est très bien. Ça veut dire quoi ? C'est pas facile. Mais c'est pas facile. Ça veut dire que c'est un peu pourri. On va pas se mentir. On avait qui au téléphone ? Alors au téléphone, on avait Romane, 16 ans, qui est avec nous. Elle est de Bordeaux. Avant de prendre Romane, est-ce que tu peux nous faire quelques rappeurs pour ton tournoi qui continue là ? James ou MC Solar ? Oh là là. Tu sais quoi ? J'ai plus écouté James. Je réponds James maintenant, je me laisserai plus avoir. Oh là là, Flo. James ? Ouais, okay. Ouais. Très bien. C'est horrible. Vous en voulez ouais, un ? Ayam ou Drake ? Franchement. Choisissez bien. Sans Ayam. Là, on est en demi-finale, là, c'est quand même. Sans Ayam, il n'y aurait pas eu de Big Flo Oli, franchement. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, je vais dire Ayam, mais ça me fend le cœur parce que Drake, c'est mon frérot de dingue. On va dire Ayam. Ouais. On va dire Ayam et on va continuer juste après ton tournoi. Juste, on va prendre. Donc, Roman, c'était quoi ton problème ? Explique-moi. En fait, du coup, je suis lesbienne. Ouais, et, ok. Et mes parents sont homophobes. Voilà. Ah oula, ouais. Ils sont genre graves, genre durs, de fou. Ah ouais, là, c'est chaud. Ouais. Ah putain. Genre, ouais. Ils sont carrément contre et ils ont déjà dit que si je l'étais, ce serait une honte. Et tu leur as déjà dit, toi, ou jamais ? Non, c'est pour ça. Tu leur as jamais dit ? Non. Ah, ça, c'est des histoires, ça. C'est énervant, ça. Mais en tout cas. Ouais. En tout cas, ils ont tort totalement. Hein. Je veux pas mal parler de tes parents. Hein. Mais le problème, c'est que. Le problème vient des parents. Non, mais bien sûr, le problème, c'est pas elle. Il faut qu'elle en parle à ses parents, quoi. Moi, je pense qu'il faut prendre sur toi, il faut y aller. Ouais. Est-ce que t'as des amis proches qui le savent ? Oui. Ouais. Moi, si j'étais toi, tu vois, le jour où je l'annonce, je le fais avec des potes. Comme ça, t'as du soutien dans tous les cas. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne idée. Ça peut-être t'entourer de personnes bienveillantes. Des gens qui sont avec toi. Ouais. Et de toute façon, tes parents, ils t'aimeront toujours comme tu es normalement. Ah bah tu vois. Oui. C'est pas des histoires comme ça qui vont changer la relation que t'as avec tes parents normalement. Oui. Et même s'ils peuvent réagir de manière un peu con au début, avec le temps, tu vois, ils apprendront, ils seront obligés. Mais de toute façon, ils ont intérêt. Ils ont plutôt intérêt. Ouais. Sinon, je leur envoie Daniel, moi. Ah ouais, j'irai les voir, moi. je lui envoie Maître Zen. Voilà. Elle va venir, elle va leur casser la gueule. Elle va leur casser la gueule. En tout cas, ouais, le seul conseil qu'on a donné, c'est de. Ouais, je pense être avec des amis, avoir le soutien de tes amis, c'est précieux, quoi, et c'est important. Mais en parler quand même à sa maman ou à son papa. Ouais, je pense. Si tu aimes mieux ta maman ou. Enfin, tu dois aimer tes parents. Tu n'as pas de préférence, Daniel. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je sais que j'en parlerai parce que j'ai été très, très, très, très proche de mon père. Ouais. J'en parlerai à mon père. D'accord, donc tu dirais d'en choisir un des deux. Ouais. Ok. Le papa. Ok, bah écoute, Roman, gros courage avec ça. On sait que c'est pas facile. On te fait des gros, gros bisous. Et gros bisous, hein. Tu sais quoi? Merci, je peux juste... Ouais, dis-moi. En fait, voilà, je voulais juste vous dire que ça fait 4 ans que je vous suis depuis Gangsta. Merci beaucoup. Et voilà, et je vous ai vu à Bordeaux, et voilà, donc j'ai pu réaliser mon rêve. Ouais, merci beaucoup, merci. Gros bisous. Gros bisous, ma Romane, tu sais quoi? Si on peut t'envoyer un album, là, je sais pas s'il nous en reste, on envoie ou pas? Ouais, on envoie, on envoie. On t'envoie un album. On va te noter ça au standard. Amina, elle va noter l'adresse. Gros bisous, ma Romane, plein de courage. Merci ciao, ciao. Beaucoup, bisous. Ciao, ciao. C'est pas facile, ces histoires-là. Ouais. Est-ce qu'on a une autre personne, là, qui a besoin d'aide? Ouais, on a une autre personne. On a aussi un invité mystère qui est là. Ça va être l'invité mystère, on va le faire après le son, d'accord? Ok, mais moi, j'ai une personne qui s'appelle Elisabeth. Elle a 19 ans et il y a écrit Ville. Anonyme. Oh. Nîmes. Je viens de là. Non, pas Nîmes. Anonyme. J'ai entendu Nîmes. Anonyme. Ça va, Elisabeth? Tu nous entends? Ouais, je vous entends. Mais tu sais quoi? On est avec Maître Daniel. Elle est prête à te conseiller avec toute son expérience de vie. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux et lui expliquer ton problème. Je vais écouter. Alors, explique-nous ton problème. Je vous explique. Alors, je suis en couple depuis 2 mois maintenant. Voilà. Et. On a fait notre première fois cette semaine. Ouh. Et depuis... voilà. Et depuis, c'est silence radio. Ah, quoi? Non. Quoi? Ah si, ouais. Le gars, il t'écrit pas du tout? Bah, très rarement, en fait. Donc, rarement, il écrit quand même. Ouais. Attends. Alors, je suis pas du genre à harceler, à envoyer 6 messages par jour. À la limite, s'il me répond pas, je relance pas. Ouais. Le truc, sauf le soir, quand j'ai du bon nuit, écoute ça. Donc, il m'envoie seulement un message les matins. Et le soir vers minuit, 1h, et pour me dire, ouais, j'ai pas le temps, voilà, la fac, tout ça. Ah. Il a quel âge, lui? Il a 21. Et toi? Oh. Et moi, j'ai 19. Les amis, on a exposé le problème à Maître Daniel. J'attends sa réponse et son analyse. Pourquoi il répondrait pas? Maître Daniel va parler. Sais pas, avant, Elisabeth, il était pas comme ça. Ça s'est bien passé ou pas la première fois? Ah ouais, super, franchement, oui. Elle a kiffé, Elisabeth. Et après, tu l'as fait combien de fois? Eh oh, Daniel. Non. C'était notre première fois, mais ça a duré, oui, voilà. C'est une première fois. Ouais. Est-ce que c'était la première fois pour lui aussi? Non, en fait, c'était pas notre première fois à tous les deux, mais c'était notre première fois ensemble. Ça change tout et pas grand-chose au final. D'accord, ça, il fallait le préciser. Et tu sais quoi, moi voilà la technique que je te donnerai. Le mec, moi je lui fais silence radio aussi. Ouais. Jusqu'à que ce soit lui qui vienne. Puis merde, tu vas pas lui courir après combien de temps? Merde. Tu peux laisser parler Maître Daniel, s'il te plaît. Pardon. Ah oui, il a tout à fait raison. Ah. Ben écoute, moi je le laisserai de côté un petit peu. Et puis j'irai en boîte avec des copines. Tu sais. Ouais. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième ou le troisième ou le quatrième? Un peu plus. Oh, la coquine. Non. Oui, bah écoute. Sofiane, tu t'analyses. Sofiane, t'as une petite analyse ou pas? De ta vie. Tu es très jeune. Soso. Tu dirais quoi, Sofiane? Sofiane, tu dirais. Ah, mais je dirais exactement pareil. Va t'amuser. Franchement, t'en as rien à foutre. Trace. Les gars, si ça se trouve, elle a des sentiments, elle le kiffe, les gars. Non, mais je sais. Mais moi, je vais dire un truc. Moi, je vais dire un truc. C'est un truc que j'ai toujours fait. Tu l'aimes? Comment? Tu l'aimes? Bah oui. Enfin, moi je lui ai dit, mais lui non. Ah, non, mais c'est bon, au bout d'un moment. Donc, moi je vais te dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de courir après les gens. Ouais. Il y a des gens qui t'aiment pour les bonnes raisons, il y a des gens qui tiennent à toi. Si le mec il tient pas à toi et qu'il te répond pas, c'est ciao. Chasse-toi, il va s'en mordre les doigts. Tu sais quoi, Elisabeth? Je trouve que c'est une belle réponse. En plus, t'as Maître Daniel qui t'a tout donné. Ah, et oui. On dit que la musique adoucit les mœurs. Ah ouais. Je vous écoute en boucle de toute façon. Bon, tu sais quoi, ça fait trop plaisir. Elisabeth, franchement, lui répond pas, lui dit rien et puis il reviendra lui. Et puis, tu sais quoi, même s'il revient pas, c'est une bonne chose pour toi, ça veut dire qu'il t'a montré que c'était pas le bon. Et je suis sûr qu'il écoute Énergie, il va t'envoyer un petit message. Villa. On te fait de gros bisous, Elisabeth. Gros bisous à toi. Bisous. Je peux juste vous dire quelque chose? Ouais, vas-y. On t'écoute. J'étais là à un de vos concerts. Comme l'a dit Clément, c'était le 7e ciel. Je vous ai kiffé, c'était génial. Oh, merci voilà, beaucoup. Merci. C'était où ça, le 7e ciel? C'était à quel concert? Clermont? Non, c'est là où il y a eu. Vous avez eu des soucis avec les gilets jaunes, vous avez dû faire un tapis. À Amnéville. À Amnéville. Galaxie d'Amnéville. Je m'en souviens. Je te fais des gros bisous, Elisabeth. Merci, vous aussi. Ciao, ciao, on pense gros à toi. Gros bisous à toi. Bisous. Bisous. Gros bisous, les amis. On va s'écouter un petit son avant d'appeler notre dernier invité mystère de la soirée. Mystère, ouais. Et on va se mettre un petit L'Homme Pâle qui a sorti son album, là. Ah ouais. Et cette chanson, elle est magnifique. So, tu valides L'Homme Pâle? Ouais, je valide. Youssoupha ou James? Oh putain, James. Ah, James? Putain, comme ça? Ouais. Youssoupha ou James? Vite, vite. James, James, oh, James, James, okay, James, James, bon, James. Ouais, et j'aime suite, beaucoup L'Homme Pâle. Tout de suite. Mettez-vous bien. J'ai jamais vu de nuit aussi calme. Je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ces larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions, mes frères. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bébé, c'est moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous, le destin pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on aquaplaning. Sur son dos, mon torse fait de l'aquaplaning. Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, regarde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions, mes frères. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Elle est belle cette chanson. Magnifique chanson. L'Homme Pâle, gros big up. Le rap en ce moment là, putain, c'est un truc de fou. Le rap à la cote. Qui aurait cru quand même que les rappeurs seraient si connus, ouais, de nos jours. C'est vrai hein. Et nous, on peut faire de la pub pour nous quand même. On fait le stadium, ouais, à Toulouse, les Toulousains. On va rappeler les dates. On fait le stadium de Toulouse. C'est un truc de fou. Et c'est presque quasi complet. C'est quasi complet. C'est le 25 mai. C'est presque complet en moins d'une semaine. Mais tu sais qu'en plus, la première fois que j'ai rencontré Daniel, c'était au stadium, ouais, à Toulouse. Ouais. Et t'imagines qu'on va remplir ça en concert. Et j'espère que tu seras là, Daniel. Et le dernier concert, c'est qui? J'espère. La dernière fois qu'il y a eu, c'est vrai, un concert au stadium, c'était Michael Jackson. T'imagines? Oh, ouais. Et on va faire un concert aussi à Paris pour nos amis du Nord, les Parisiens. C'est le 26 octobre. Ouais. Et ça se passera à la Défense Arena. Voilà, 40 000 places. C'est nos deux grosses dates à retenir. On a un invité mystère du coup. Ouais. Allez. Que j'adore. Frérot, tu peux jouer avec nous. Hein. Allez. Ouais, il y a Arthur avec nous de Studio Arthur. Daniel. Arthur, qui tu es qui par rapport à Daniel, toi ? On s'est rencontrés sur Tinder il y a. Non. C'est comme son petit-fils. C'est comme son petit-fils. Voilà. Ouais. Tu vas jouer avec nous. Ouais. C'est parti. Allô, allô. Invité mystère. Allô. Oh là là. Tu nous entends ? Ouais, je vous entends. Nous aussi, on s'est rencontrés sur Tinder. Non. Non, mais presque, hein. Les amis, vous devez poser des questions, il doit répondre par oui ou par non. Ok. Alors, tu es comédien. Un peu. Ouais, okay. C'est vrai, un peu. Tu Daniel. Es chanteur. Un peu. Tout est vrai, un peu tout, vrai, tout est vrai. Est-ce que tu habites à Paris ? Un peu. Il est citoyen du monde, Ouais, c'est vrai. C'est un scandale, ça. T'es humain ? Un humain ? Oui, humain, c'est un être humain. Ouais. Daniel, un peu chanteur, un peu acteur. Est-ce que tu es connu en France ou oui. seulement en France ou est-ce que tu es connu dans d'autres pays? Ça m'arrive d'être connu dans d'autres pays. Ouais, on va dire francophone. C'est quand même francophone, quoi. C'est quand même plus. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Est-ce que tu as joué dans des films? Un peu, ouais. Un peu. Tout un peu, en fait. Est-ce que oui, justement, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. T'as moins de 30 ans ? Comment ? Est-ce que tu as moins de 30 ans ? J'aimerais bien. Il aimerait bien. Non, il a plus. Il a plus. T'as des enfants ? Plein. 4. Plein. Il en a 4. Ok. Alors c'est qui les amis ? C'est dur, hein, t'as vu ? N'hésitez pas à jouer avec nous hein, sur Twitter. Je vais voir s'il y en a qui ont trouvé. Je peux tenter une proposition ? Vas-y, allez-y. Ça m'élimine du jeu si je rate ? Non, t'inquiète, vas-y. Gad Elmaleh ? Non, c'est pas Gad Elmaleh. Non, c'est pas Gad. Personne n'a trouvé. Les amis, on a dit sur Twitter, il a plus de 30 ans. Et t'es plus dans la. Il y a bien un domaine dans lequel t'es le plus impliqué. T'es plus dans la musique. Mais vous l'avez pas cherché encore. Vous l'avez pas trouvé. Ah, on l'a pas trouvé. Ah, d'accord. Parce que vous posez pas de questions. Est-ce que tu fais du théâtre ? C'est vrai qu'il fait tout. Est-ce qu'il y a un domaine particulièrement où tu. Oui, quand même. La chanson ? Non, il a pas bien encore. Ah, tu es animateur radio. Tout le monde connaît mes chansons. Télévision. Tu es animateur télé. Oui. Voilà. Tu es animateur télé sur une grosse émission. Tout le monde connaît ses chansons. J'ai pas entendu la réponse. Tout le monde connaît mes chansons. Oui, tout le monde connaît ses chansons. Tout le monde connaît les émissions. Tout le monde connaît tout. Ah. Les gars, ça approche là. Je le sens. C'est un animateur télé qui touche à tout. Est-ce qui est connu partout. Est-ce que le soir ou le midi ou le matin Est-ce que non, c'est pas Cyril. C'est pas Cyril. Est-ce que tu es beau ? Est-ce que tu es beau ? Ça dépend quel côté du corps tu choisis. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, il a le sens de la punchline. Il y a des gens qui disent que c'est Coué. Non, Coué, on le rappelle tout à l'heure, ce n'est pas la télé. Plus. Pas Patrick Sébastien. Ah, qu'est-ce que tu as dit ? Patrick Sébastien. Oui, c'est une bonne réponse. Yeah yeah Daniel, ça fait trop plaisir. Bravo. C'est une bonne réponse. En plus, je l'adore. Alors les amis, c'est la première fois qu'on l'a au téléphone, c'est bizarre que ça se passe à la radio. Patrick, comment ça va ? Écoute, ça va, je sors d'un concert. Alors je suis dans une galère, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire que je sors d'un concert où la salle était pleine à Millau, avec un nouveau spectacle qui s'appelle « Avant que j'oublie tout ce que je peux pas dire à la télé ». Et en sortant, on s'est aperçu que mon chauffeur, il a laissé les clés à l'intérieur de la bagnole. Non, on est comme des cons sous la pluie en essayant d'ouvrir la voiture. Oh non, ça arrive encore à des gens comme toi, ce genre de galère. Ça arrive encore, mais tu sais quoi ? C'est vachement bien, c'est pas grave. Moi, Patrick, j'en profite parce que je le dis beaucoup, mais t'es un gars que j'adore dans ce que tu transmets, dans tes valeurs. J'ai passé ma soirée à transmettre de l'amour aux gens, de la tolérance, du respect. Et puis je voulais vous dire une chose. Je suis c'est pour ça que je te kiffe. À côté de moi avec un réalisateur qui a réalisé des trucs magnifiques. Et cet après-midi, je lui ai fait découvrir vos chansons. Ah, parce que moi, je vous kiffe vraiment. Moi, il y a deux trucs que j'aime beaucoup. Je lui ai fait écouter Salope. Cette chanson magnifique. Merci, vraiment. C'est une chanson de notre deuxième album, La Vraie Vie. C'est vrai. Voilà, et mon copain, il m'a dit, on dirait du Léo Ferré moderne. Il ne faut pas nous comparer à des légendes pareilles. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Patrick, on voulait te poser une question. Ça m'a touché. Vos chansons me touchent. Voilà, merci beaucoup, Patrick. Il y a dedans tout ce qu'on oublie dans la société d'aujourd'hui qui fait qu'il y a des mecs en rond-point, c'est l'humain. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et je me battrai jusqu'au bout. Bah, merci beaucoup, Patrick. Je peux te poser une question, Patrick ? Ouais, vas-y. Est-ce que tu as déjà un de tes sons qui est passé sur Énergie ou pas ? Bah, oui, quand même, attends. Un de mes ? un de tes sons, est-ce qu'ils sont déjà passés sur Énergie? Oh, peut-être dans une émission de Coé à l'époque, ouais. Ah, à l'époque. Mais ça fait... Bon, ouais. Ok. Nous, en tout cas, on voulait passer du Patrick Sébastien sur Énergie, voilà. Ouais. On voulait faire un kiff. Ah ouais. Lequel t'as choisi? On a un son qui nous a beaucoup plu et qui nous a fait beaucoup rire, que je trouve vraiment assez intelligent. Une idée où tu te bats avec tes choristes? Oh putain, ouais, juste à Bruda. Ouais. Et ben, ça, c'est un truc, Patrick. J'adore, moi, je kiffe. Ouais, mais ce son-là, il nous a fait pleurer de rire dans le bus avec les poteaux. Ouais, et on est trop le connaît tous par cœur dans le tourbus. Ce que tu feras, quoi? Tu iras chercher un autre truc quelque part un jour sur YouTube qui s'appelle C'est Nonel. C'est une chanson de Noël. À mon avis, elle va te faire marrer. C'est Nonel. C'est déjà Donnel, le titre. Et ben tu sais quoi, en fait, vraiment, c'est pas une blague. Tu vois, on a écouté ça dans le tourbus avec les frérots. Ouais. Oli nous la mettait au moins une fois par jour. C'était sa chanson de la tournée. Et moi, tu peux demander à Flo, je te jure, je regarde toutes les interviews et tout. Je te kiffe vraiment et j'espère te croiser avec plaisir, discuter de tout. Ce que je voudrais, tu sais ce qui me ferait plaisir, ouais. C'est que moi, ils m'ont jeté de la télé parce que je plais trop aux gens d'en bas. Oui. Et je fais ma dernière émission des Années Bonheur au mois de février. J'enregistre. Okay. Si vous êtes dans le coin, les mecs, ça sera avec plaisir. Eh bien, écoute, on va regarder ça et si on est là, avec grand plaisir. Franchement, je te dis la vérité, si on est là, on vient. Avec plaisir. Ouais. Il y aura plein de potes à vous en plus. Ok. Okay. Ben, merci beaucoup. On peut l'applaudir, Patrick Sébastien, la légende quand même. Merci frérot. Patrick, écoute bien. Écoute bien, on va passer juste un Brida ou sur Énergie. On te fait de gros bisous. Mettez le son à fond. Ciao, ciao. Bisous, Patrick, merci. Bisous, les enfants. Ciao, ciao, mon Patrick, ciao. Cette chanson, elle a pleuré de rire, les gars. Ah ouais, j'adore. De marcher sur le chien. Il disait qu'il a. Patrick Sébastien, sur Énergie, avec Big Flo et Oli. La musique, ça fait pas tout. Même quand elle est jolie comme ça. Les paroles, ça peut gâcher tout. Flinguer la plus belle des bossas. Sauf si ça sèche. Qu'est-ce que je disais? Saucisse sèche. N'importe quoi. Saucisse sèche. C'est nul. Saucisse sèche. Ouais, ça sonne brésilien, mais. Saucisse sèche. Phonétiquement seulement. Saucisse sèche. Quelque chose de plus local, quoi. Plus. Saucisse sèche. Plus typique, je sais pas moi. Saucisse sèche. Je sais pas. Justin Bridard. Ah, Justin Bridard, c'est ça. Justin Bridard. C'est encore plus nul. Hein. Justin Bridard. N'importe quoi. Justin Bridard. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faudrait parler du Brésil, des plages de Rio, des canons et des filles qui se déshabillent. Que quelquefois, c'est des garçons. Saucisse sèche. Ah d'accord, je vois bien l'image. Saucisse sèche. C'est délicat. Saucisse sèche. C'est nul. Saucisse sèche. Allez, envoie l'accordéon. Ça, c'est une belle musique poétique. On pourrait faire plein de rimes en A. Ipanema, Batucada, Fazenda. Et là-bas, descendant des favelas, une super nana. Elle est belle, elle s'appelle Maria Cara. Je la vois. Qui fait caca. Oh non. Qui fait caca. Foutez tout en l'air, les mecs. Qui fait caca. C'est vraiment lourd. Qui fait caca. Vraiment. Hey, j'espère que t'es rentré dans la voiture à Millau, Patrick, gros bisous. Le problème avec les choristes, c'est qu'ils font toujours ce qu'ils veulent. Et même si c'est une chanson triste, faut toujours qu'ils se foutent de ma gueule. Foutier de ta gueule. Ouais, d'accord. Foutier de ta gueule. Ouais, j'avais compris. Ouais. Foutier de ta gueule. C'est pas sympa. Foutier de ta gueule. Je crois que je préfère les saucisses sèches. Saucisses sèches. Voilà. Allez, je me casse. Saucisses sèches. Je vais aller bouffer un morceau. Saucisse. Qu'est-ce qu'il y a à manger à propos? Alors j'allais pouvoir saucisse le dire. Sèche. Allez-y, dites-le, qu'est-ce qu'il y a à manger? Copacabana. Ah d'accord. Copacabana. Les amis, tout pour m'emmerder. C'était Patrick Sébastien. J'aurais pas sur Énergie. Et c'est pas souvent ça. On peut amener des applaudissements, on peut mettre de l'ambiance dans ce studio. Merde. Non. C'était l'invité mystère pour finir. Il est trop cool, n'empêche. Ouais, Patrick. Grave, trop cool au téléphone, j'ai vraiment apprécié. Frérot, on a Sofiane qui est avec nous. Sofiane qui nous fait depuis le début de l'émission un espèce de concours entre les rappeurs qu'on kiffe. Et là, on arrive à la fin, frérot. Ah, déjà, tu les as pas tous pris du coup? T'as fait une version? Si, je les ai tous pris. Okay, tout le monde est passé, du coup, vous avez sélectionné. On est en quoi? Demi-finale? Là, on est en finale. Là, je vais vous en dire un. Le dernier, et celui que vous allez choisir, c'est votre rappeur ou rappeuse préférée. Ah, or Eminem. Parce que tu m'as pris. Eminem. Parce que par texto, il m'a quand même dit Eminem, ça compte pas. Eminem, on l'enlève du tournoi parce que c'est. Ok. Bon. Bon, on est dans du 100% français. Ouais, putain. Vous préférez IAM ou Jams? Aïe, putain, c'est dur. Ah mais oui, c'est chaud. Dites-nous avec le hashtag BigFlowly sur Ouais, au pire, on peut laisser les gens choisir, on reviendra dessus après, si vous voulez, y a pas de souci, on peut venir. Non, mais il faut qu'on choisisse, c'est ton jeu, il faut tu qu'on aille. Tu veux pas, on fait un sondage sur notre Twitter? Carrément, ouais, putain. Vas-y, tu veux que je tweet là? Ouais. Allez, c'est parti. Parce que les gens prennent notre Twitter en live. On revient sur ça juste après. Ça marche. On a encore des gens à appeler apparemment au téléphone, on a des gens qui sont venus parler un petit peu avec nous. Il y a Sofiane, il a 22 ans. Ah, il vient de chez nous, il vient de Toulouse. Ouais. Frérot, est-ce que tu nous entends? Coupe la musique, frère, Oli. Ouais, c'est coupé, frérot, mais je fais le sondage Twitter, je peux pas tout faire, j'ai pas 4 bras. Sais, t'inquiète, frérot, juste si tu peux couper la musique avant de faire le sondage, tu nous éclates. Tu t'en doutes, j'ai pas 4 bras, mon frérot. Sofiane, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Non, mais Sofiane de Toulouse au téléphone. Il est con, putain. Ah, ça y est, Sofiane? Oui, Big Flo et Oli. Ça va, mon frérot, ou quoi? Oui, bonsoir, les gars. Ça va, tranquille. T'es de où à Toulouse? Bordeaux Rouge. Ah, Bordeaux Rouge, c'est la famille, ça. On a des amis qui vivent là-bas, bien sûr. Vous connaissez? On connaît très bien. Dis-nous, c'est quoi le problème, mon frérot? Bah, moi, c'est une problématique, carrément. Ouais, ça vient du sud. Bon, après, voilà, moi, ma copine, c'est depuis qu'elle vous connaît. Elle fait que vous écouter. Ah merde. Alors je dis pas, je vous kiffe, hein, mais voilà, elle fait que vous écouter. Et ça devient saoulant. Ça te prend la tête vraiment? Ouais, elle écoute genre beaucoup de fois par jour, genre tous les jours au moins une fois? Ouais, déjà par jour. Et puis c'est pas que, c'est genre. Elle était, il y a pas très longtemps, elle était enceinte, elle est venue au Zénith vous voir. Waouh! Ah ouais, ah ouais, elle ouais, ouais, vous okay. recédé. Bon, ok. Il y a pas mal de choses. Et moi, là, j'ai une solution. Là, Julio, c'est quoi la solution? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est près de toi? Ouais, elle est prête. Elle est prête. Elle est pas très loin. Ok, elle sait que tu nous appelles là ou pas? Non, elle sait pas trop. Bon, mais passe-la nous, on va lui parler. Ok? Tu lui dis pas qui c'est quand tu lui passes. Ok? Je dis pas. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Samantha. Samantha, vas-y, c'est parti. On va lui parler, t'inquiète, on va t'aider, mon frérot. Moi aussi, j'aime bien Big Flo et Oli, mais au bout d'un moment, ça suffit. Bon, attendez, je vais voir ça. On va chercher Samantha, on va lui convaincre d'écouter moins Big Flo. C'est un truc de fou là. Ça n'a pas de sens. Sinon, moi, en réveil, j'ai une proposition à lui proposer pour son réveil le matin. Ouais. Pour changer un peu cette musique. Tu comprendras plus tard. Non, ah oui, non, mais tu ça va pas être. Du coup, non, ça marche pas. Bon, je vous la passe. Ok. Allez. Je parle à qui? Allô, Samantha? Allô, Samantha? Allô? Allô, Samantha? Oui. Oui, salut. On m'a dit qu'il y avait un souci. Très ah bon. Ouais, mais un gros souci là. Tu connais, ça te dit quelque chose, Big Flo et Oli ou pas? Ouais, pourquoi? Moi, je vais te passer deux amis qui vont te convaincre qu'il faut vraiment arrêter d'écouter cette merde. Genre, ça devient trop. Ouais. Samantha, écoute-moi. Allô, Samantha. C'est ton mec qui nous a appelé parce qu'il nous a dit qu'il aimait bien Big Flo et Oli, mais qu'au bout d'un moment, il en pouvait plus, tu vois, le matin, le soir et tout. Donc on est là pour essayer de te convaincre d'écouter un peu moins de Big Flo et Oli. Mais il a écouté autre chose, lui. mais en plus, qu'elle sait pas que... Samantha, c'est pas ouf en plus. Enfin, moi, je suis animateur radio et je m'y connais un peu en son. C'est pas non plus la folie, quoi. C'est quoi ce délire? Samantha, en vrai, Big Flo et Oli, c'est un peu nul, non? Mais moi, je suis nul. Putain, elle nous défend, hein. Mais tu sais quoi, Samantha? Samantha, c'est nous, c'est Big Flo et Oli au téléphone. On te fait des gros ouais, bisous. Okay. Allez, quoi? Allez, quoi? Eh, mais je te jure que c'est nous. Comment tu veux que je te le prouve? Samantha, c'est Oli, tu reconnais ma voix ou pas? Elle croit pas que c'est nous. Okay, Samantha, écoute, si tu nous... Attends, je te fais un extrait. Yeah. La nuit de rêve. What? Sur Énergie. Bah oui, comme Samantha. Ah. L'émission spéciale de Big Flo et Oli. Voilà, là, tu nous crois maintenant ou pas? Quelle affiche. Ah, super. Non, on sort une affiche, Samantha. Allez, t'inquiète, Samantha. Pas. On sait pas qui tu es. Ouais, c'est mieux. Juste, on voulait te dire merci pour le soutien, Samantha. Ça fait grave plaisir. On te fait des gros bisous. Normal. Si tu peux, tu vois, quand ton copain est là, tu passes un petit son, juste un petit son des fois pour lui changer, et après tu remets que du Big Flo, Oli, hein, bien sûr. Ok, ça marche. Et, là, il était en haut-parleur ou pas? Non, mais il est à côté, il entend. Ah, dans ce cas, bon, si t'es pas en haut-parleur, écoute, continue à mettre du Big Flo, Oli, tout le temps, hein, ça fout. Ok? Tu continues. On te fait de gros bisous, Samantha. Des gros bisous, Samantha, merci la famille. Gros bisous au frérot Sofiane aussi. Gros bisous les Toulousains. Bisous Toulouse. Merci à Toulouse. Ciao, merci Sofiane, t'es un tueur, merci frérot. Merci beaucoup. On a un dernier appel aussi ou pas alors? Tu veux faire un dernier appel? Sinon, il y a Koé aussi, on doit faire un petit débrief, n'oublie pas. Quand de tu veux. Tu veux faire quoi, Florent? Ah oui, il faut Koé, c'est vrai. Et oui, il faut faire un on petit débrief à Koé. Parce que là, on doit rendre l'antenne bientôt. Les amis, on avait appelé Koé en début d'émission pour nous donner des conseils. J'espère qu'il a un peu écouté. Est-ce que on peut reprendre Koé au téléphone? Mais avec plaisir. Allô Koé, est-ce que t'es là? Ça va, frérot? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, ça y est, on sait comment marche le bouton. Alors écoutez, je suis en fin de signature d'autographe, on est à Rouen, faites du bruit pour Big Flo et Oli. Salut tout le monde, salut l'équipe. Ça va, alors c'était comment, racontez-moi. Mais frérot, comment tu fais? Je te jure, on est fatigué, c'était un plaisir, mais... Ouais, ça fatigue, n'empêche, hein. Putain, il faut être actif, hein. Qu'est-ce que j'ai raté? Vas-y, dis. T'as raté, alors on a passé du Patrick Sébastien sur Énergie, on l'a appelé, on l'a eu au téléphone. Ouais. On a eu Malik. Oui, pour de vrai. On a eu Malik Bentala en invité mystère. On a eu Black M en invité mystère. Très bien. On a fait des blind tests. On a notre ami Studio Daniel. Je sais pas si t'es déjà allé la voir une fois ou pas. Non. Studio Daniel, c'est une dame qui est géniale. Il faudrait que tu l'invites un jour. Je la connais, mais je suis jamais allé. Mais vraiment, un de ces quatre, elle vient quand elle veut. Ah ouais, mais grave. Franchement, c'est une tueuse. C'est une animatrice radio qui se découvre. Là, elle a été incroyable. Elle a conseillé plein de gens. On a eu plein d'aventures là. Franchement, ça s'est bien passé. On a même réussi, tu sais, à parler au début des sons et à s'arrêter pile quand la chanson démarre. Tu vois, ce genre de truc de radio. Ouais. Alors ça, c'est ouf. Voilà, faut connaître le chanteur et qu'il attende que vous ayez fini de parler pour commencer la chanson. Je te fais un petit exemple. Là, on est en direct sur Énergie. Là, on va s'écouter par exemple plus tard. Voilà, on a réussi à faire des trucs comme ça, genre vraiment millimétré quoi. Mika, t'as validé, ça allait. Franchement, ouais, vraiment bien. Les comptes rendus de stage. Vous recommencez quand? Parce que c'est moi qui remplis votre truc de stage, justement. C'est moi qui remplis. On se revoit dans deux mois. On va dormir deux mois on se fait un briefing dans deux mois, on se fait un résumé, ok? Et j'espère que tu nous mettras bien parce qu'on est en troisième, là, on a besoin de passer l'année. Ça fait plaisir. T'inquiète. Bon, gros bisous, mon Koé. Et il y a Rouen qui vous embrasse, voilà, qui vous font des bisous. Gros bisous à Rouen, on est passé la famille aux Zénith de Rouen, c'était ouf. Gros bisous, Koé. Ciao, mon frérot. Merci, frérot. Écoute, Oli, on arrive sur la fin. Tu sais quoi? Lance-moi un des sons un par un. Les sons un par un qu'on a là. Voilà, ça me fait plaisir. On avait quoi d'autre? Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est malade ce mec? Ça va me manquer. Ça va me manquer. Ça tout balancer. Ça me manque la radio. Une pensée pour le gros beat qu'on a pris à Clermont-Ferrand. C'est très bien. Et Maître Daniel. On a vécu des choses. Daniel, merci d'être venu. Ah bah, ça m'a fait beaucoup plaisir. N'allumez pas cette musique chelou. Ça t'a fait beaucoup plaisir de venir, Daniel. De vous voir tous là. Je veux que je te dise la vérité. Tu sais quoi, on a un peu de temps, on peut parler encore, on a un peu de temps, on est bien. Tu veux que je te dise, Daniel? Oui. Tu es très forte en radio. Oh, t'es gentil, merci. Mais vraiment, je crois que tu devrais faire quelque chose parce que la radio, ça te réussit. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est bien. Ah ouais, ouais. Ah ouais, si ouais. Tu veux donner un dernier conseil à tous les jeunes et les moins jeunes qui un petit conseil de vie, Maître Daniel. Alors, un petit conseil de vie, il faut apprendre à l'école déjà, écouter ses parents, avoir le respect des gens, et voilà, ta vie sera faite, quoi. Ouais, magnifique. On l'a beau, Daniel. Travailler à l'école, écouter les parents, respecter les gens, et ta vie sera faite. Voilà. On n'oubliera pas ça dans l'émission. Et j'ai aussi le résultat. Bon, après, il n'y a que 1892 votants pour l'instant. Ah, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est beaucoup. Et 50-50, le frérot, faut choisir. Non, pas 50-50. Non, regarde, ça vient de. Oh non, merde. Donc, il y avait 50-50. Il y avait 50-50. Voilà, mais il est trop dur ce choix. Ah ouais, il y a 51%. Pour Ayam et 49% pour Diams, mais c'est pas. Donc, c'est Ayam qui gagne. On peut dire que c'est Ayam qui gagne, les gars. Eh oui. Putain, c'est Ayam qui gagne, mais en même temps, c'est possible ce choix. J'ai bien envie de voir si ça va rebouger ou pas ce sondage-là. Tu le suivras sur Twitter, frérot. Merci à tous ceux qui nous ont écrit avec le hashtag BigFlo et Oli sur Énergie. C'était la toute première fois qu'Énergie faisait ça. On est les tout premiers artistes à avoir une émission de 3 heures à nous tout seuls. Merci Toff, qu'on a bien fait galérer. Merci Mika, merci toute l'équipe, merci Amina. Merci Lolo, merci gens, tout le monde. Merci à tous ceux qui ont bossé sur l'émission, parce qu'une émission, c'est pas tout seul. Il y a aussi plein de gens qui nous passent les coups de fil, qui nous envoient des petits messages et tout ça. Merci Sofiane d'être venue. Ouais, Sofiane, merci à vous de m'avoir invité. Ça bosse sur quoi en ce moment, tiens? Petite pub là. Là, je suis en live sur Twitch. Ouais. Du coup, je commence, ouais. Twitch, tu sais quoi, Daniel, Twitch, rapidement? Tu sais ce que c'est, Twitch? Ah non. C'est tu connais pas? Ah non. C'est, vas-y, explique Twitch à Daniel, ça va être drôle. Twitch, c'est des gens qui jouent aux jeux vidéo en live, en direct, et ils jouent à plein de jeux vidéo. Voilà. Ils ont pas de masque. Ça, c'est la réalité virtuelle, mais c'est normal. Là, c'est un peu compliqué. Moi, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés. On a essayé de faire notre mieux. En tout cas, comme d'hab, on a essayé de le faire sincèrement, sans vous mentir, en étant le plus vrai possible. Et je rappelle aussi les gros concerts qui arrivent. Les gros concerts qui arrivent partout. Les gros concerts qui arrivent, les amis, les Toulousains, on sera au Stadium le 25 mai. Prenez vos places. Les Parisiens, on sera à la Défense Arena le 26 octobre. En tout cas, je voudrais qu'on fasse un petit truc. Si vous êtes en voiture, là, et que vous écoutez de Big Flo Oli pour faire la fête, pour fêter la fin de cette émission, pour ceux qui nous ont suivis. Klaxonner. On va klaxonner, ouais. Mais à la fin d'un décompte, on klaxonne. Attention. Et franchement, klaxonner, ça coûte rien. Comme ça, c'est marrant. Vous allez voir si les gens autour de vous, ils écoutent ou pas. Klaxonner ce rythme-là. Bip, bip, bip. Ok, voilà. Donc ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Bip, bip, bip, bip. Oh, je te jure qu'on a entendu. J'ai pas entendu, c'est pas possible. Attends, mets ton micro près de la fenêtre. Ah, incroyable. On a. C'est énorme. Bravo. Les gars, on a percé en radio. On l'a fait. Super. Tout le monde nous disait, écoutez-moi, il devient fou. Tout le monde nous disait, c'est impossible. D'accord. Vous n'êtes pas des animateurs radio, vous êtes des rappeurs. Tout le monde nous disait, vous n'avez pas le temps de le préparer. Vous faites de la promo, vous faites des concerts, vous réalisez des clips, vous faites tout. Tout le monde nous dit, mais comment vous faites? Vous êtes des martiens. La télé, la radio, les amis. Internet. On l'a fait, c'était la nuit de rêve. On a fait 3 heures d'émission. C'était Biflo et Oli. Les amis, merci à tous. Merci beaucoup pour le soutien à l'album La Vie de Rêve, dispo partout. Merci Daniel, merci DJ Benz, merci Sofiane. On s'écoute. Merci Célor, gros bisous. Plus tard et on finit comme ça. Merci beaucoup, madame. Et Flo, moi j'ai envie de te remercier, frérot, parce qu'on vit cette aventure ensemble. Je sais que tu rêvais de ça, moi aussi. Ah ouais. Mais je sais que tu rêvais de ça et t'as assuré. Tu la vois l'autre vie où on n'est pas rappeur, on est animateur. Putain, j'aurais kiffé. Bon, on a encore du boulot, demande à Mika. Non, ça va. Oh, mais oui, encore 2-3 week-ends et vous êtes bons. Oh, yes. Bon, merci beaucoup à tous. On s'écoute notre son, il s'appelle Plus tard, il est dispo sur la vie de rêve. Merci tout le monde, c'était Big Flo Oli. À très très vite. Big up énergie. La nuit de rêve. L'émission spéciale de Big Flo Oli. 21h minuit sur Énergie. Big Flo et Oli, tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai, et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard. Et on va remercier Big Flo et Oli, c'était énorme, la nuit de rêve, qu'on va continuer d'ailleurs tous ensemble. Voici l'émission des plus grands DJ du monde. Attention everyone. Vous entrez maintenant. Now. Dans le plus grand club du monde. Dans le plus grand club du monde. Les plus grosses bombes dance. Great DJ team. La plus belle team DJ. Sur la première radio musicale de France. Énergie. Et quand on dit les plus grands DJ, on va le prouver là une fois de plus à 2h comme tous les samedis. Il y aura Hardwell et Dissila, c'est Dimitri Vegas et Like Mike qui prennent les platines. On fait la teuf ensemble, soyez les bienvenus, c'est Énergie Extravalence. Yo, let's get the party started. Toute la soirée, toute la nuit. Bienvenue. Welcome. Dans Énergie Extravalence. Still feeling reckless, pile up in the whip, getting breakfast. Dance. Dimitri Vegas et Like Mike. Yeah. Dimitri Vegas et Like Mike. Found myself in this place before, yeah, but it don't mean a thing, baby. Feels like some days I'm getting closer, but it's never ever easy. français. Énergie Extravadance. Énergie Extravadance. Énergie Extravadance.